en deux mots présenter ce qu'est le réseau Econosphère, qui est un réseau de chercheurs, économistes, sociologues, politologues, qui réfléchissent tous dans leur coin et parfois ensemble sur des enjeux socio-économiques, comme on va le faire ce soir. Il y a un site internet, www.econosphere.be. Il y a une lettre d'info à laquelle vous pouvez vous inscrire. Et donc depuis 8-9 ans, on essaye de constituer une base de données, de textes, de réflexions un peu alternatives ou en tout cas hétérodoxes sur les questions économiques. On essaye de faire vivre un débat qui, il faut le constater, vit très difficilement. On est plutôt face à un rouleau compresseur avec une école qui s'exprime sur les questions économiques aujourd'hui. Donc voilà à quoi sert Econosphère et voilà pourquoi aussi on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, pour le 30e événement qu'on organise quand même, c'est pas rien, 30e soirée sur la question de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Donc une nouvelle réforme du gouvernement actuel. Il y a tellement de réformes qu'on pourrait faire beaucoup d'autres soirées Econosphère pour le moment sur différents sujets. Mais là, on a décidé de s'intéresser à l'impôt sur le bénéfice des sociétés parce que c'est évidemment un enjeu important. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, je voudrais remercier les quatre intervenants qui ont accepté de venir en discuter avec nous. Tout au bout, à ma gauche, Vincent Drezet, qui est... je crois que le Figaro l'a décrit comme l'homme qui empêchait les ministres de dormir. Oui, mais c'était le Figaro. Hein. C'était le Figaro, bon, voilà. Je voulais le dire, c'est tout. Et qui est, autrement, syndicaliste, membre de Sud Solidaire Finance, c'est bien ça. Et qui va, aujourd'hui, nous dresser un peu, faire un peu le parallèle avec la réforme belge, mais ce qui se passe, et qui est assez similaire, en France. Ensuite, Marco Vanès, je pense presque tout le monde connaît, député du Parti du Travail de Belgique, député fédéral, mais également auteur de plusieurs ouvrages sur la fiscalité, sur un impôt sur la fortune. Et donc, lui viendra plutôt nous faire part de son expérience en tant que député de cette réforme sur l'impôt des sociétés. À ma droite, deux responsables syndicaux, Marie-Hélène Ska, que je pense aussi à peu près tout le monde connaît, qui est secrétaire général de la CSC, et Robert Verteneuil, qui est lui secrétaire général de la FGTB. Dans un premier temps, je vais donner la parole à ma gauche. Toujours donner sa parole d'abord à la gauche. Pour dresser un peu le portrait de ces réformes, ensuite je donnerai la parole à ma droite. Pour voir un peu, d'une part, l'analyse syndicale qu'on fait de ces réformes, mais également les propositions ou les revendications d'alternatives possibles à ce genre de coordination fiscale vers le bas, en tout cas, qui est en train de se jouer aujourd'hui. Donc, pour ne pas prendre plus de temps, je donne la parole à Marco Vanès, qui va introduire, en tout cas, cette réforme belge de l'impôt des sociétés. Merci. Micro. Mais bonsoir à tous. Donc l'impôt des sociétés, c'est un gros morceau en Belgique. Pas un gros morceau quand on regarde les recettes fiscales. Hein. Là, le morceau est plutôt petit, mais c'est un débat assez important dans l'actualité. Et effectivement, il y a un projet de réforme de l'impôt des sociétés de la part du gouvernement fédéral, de ce gouvernement clairement de droite. Un projet de réforme qui n'est pas encore arrivé à la Chambre. Donc, à la Chambre, on n'a encore rien reçu sur ce projet. Les modalités ont été mises en place par le gouvernement cet été. Et visiblement, on a eu quelques fuites, mais visiblement, c'était pas encore une ébauche définitive. Et ils travaillent encore visiblement sur le projet. voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impôt des sociétés en Belgique... moi, je résume souvent la situation de la Belgique en disant ben, la Belgique est un enfer fiscal pour les travailleurs et un paradis fiscal pour les plus riches et les grandes sociétés. Et donc, évidemment, l'impôt des sociétés fait partie de ce paradis fiscal, puisque quelqu'un, voilà, les riches sont à la fois détaxés, enfin peu taxés au niveau de l'impôt des sociétés et peu taxés aussi au niveau de leur fortune personnelle, qui consiste souvent à, au fait de détenir les actions des sociétés, outre les autres châteaux et yachts qu'ils peuvent avoir. Alors, l'impôt des sociétés, il faut savoir qu'il a le taux a fortement baissé plusieurs fois le taux nominal, donc le taux affiché. Il a fortement baissé, et la dernière fois qu'il a baissé, c'était sous Renders, dans les années 2000, où il est passé de 40% à 34%. Ce qu'il y a, c'est que dans les autres pays, il a aussi, ce taux a aussi baissé, et même, à part peut-être la France, mais généralement plus bas que le taux de 34% qui existe en Belgique. Sauf que ça, c'est le taux affiché. Et derrière le taux affiché, il y a le taux réel. C'est le taux, une fois qu'on a retiré toutes les niches fiscales, enfin toutes les ou déductions fiscales, hein, voilà. Et là, le taux est nettement plus bas. Avec PTB, on fait tous les ans un top 50 des 50 sociétés qui ont le plus bénéficié des cadeaux, de ces niches fiscales. Et on arrivait à un taux de 1% cette année. Si on prend les 1000 plus gros bénéfices, on arrive, selon les années, autour de 7, 8, 9, 10% de... Donc on est loin des 34% qui sont affichés. Alors, ce que le gouvernement a inventé à un moment donné, c'est surtout la NVA qui a poussé à ça, le ministre des Finances, Johan van Overtveld, c'est de dire, ben, on va supprimer les niches fiscales d'un côté, donc ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais d'un autre côté, on va baisser le taux nominal, le taux affiché de l'impôt. Et comme ça, voilà, on a une opération où ben, on fait entrer de l'argent d'un côté, on en fait sortir de l'autre, et ça va s'équilibrer budgétairement, ça va être neutre. Voilà, une belle opération, parce que comme ça, on pourra dire à l'étranger, ben, regardez, notre taux n'est plus de 34%, il est plus bas que ça. Et c'est ce que le gouvernement donc a dans ses cartons. Enfin, du moins, la partie où on diminue le taux, c'est ce qu'il y a dans les cartons. L'autre partie, l'autre volet, ça, on peut en discuter. Et donc, voilà, le taux doit baisser, puisqu'il est aujourd'hui de 34%. En 2018, il devrait être de 29,58%. Et en 2020, 25%. Et il y a encore un taux plus bas pour les PME. Hein. On descend jusqu'à 20% pour les PME qui remplissent certaines conditions. Donc ça, ce volet-là, il est clair, il est net. On réduit le taux nominal de l'impôt des sociétés. Ce qui est beaucoup moins clair, c'est l'autre volet, le volet qui doit faire rentrer de l'argent dans les caisses publiques. Parce que là, finalement, ce qu'on constate que la suppression des niches fiscales qu'on attendait, ben, elle n'est pas là. Il n'y a aucune niche fiscale qui est supprimée. Il y a des niches fiscales qui sont réformées, mais supprimées en tant que telles, à ma connaissance, il n'y en a aucune. Une qui sera quand même normalement, hein, parce que tout est encore conditionnel, mais normalement assez bien remodelé, ce sont les fameux intérêts notionnels, hein, qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui fait que, par exemple, il y a beaucoup de groupes français qui ont des sociétés financières en Belgique, à commencer par celle de Bernard Arnault. Donc les intérêts notionnels... L'avantage pour le gouvernement, pour les grandes entreprises, pour la FEB, etc., c'est que le taux évolue en fonction de l'évolution générale des taux, hein, des obligations d'État. Et donc aujourd'hui, le taux est très très bas, très très bas. Il est 20 fois plus bas que ce qu'il a été au moment où il était au plus haut, hein, autour de 6%. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les intérêts notionnels, c'est une niche qui rapporte encore, mais qui rapporte beaucoup moins aux sociétés, et donc qui coûte moins d'argent en tant que déduction offerte pour les finances publiques. Et donc, les intérêts notionnels, l'idée, c'est d'appliquer, en fait, ce qu'ils se dessinent au niveau de l'Europe. parce qu'au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, il y a une tentative d'avoir une définition commune de la base qui doit être soumise à l'impôt. L'Europe semble aller vers l'acceptation d'un intérêt notionnel à l'italienne, c'est-à-dire que... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Disons que c'est nettement moins intéressant parce que, techniquement, on n'accorde plus la déduction sur l'ensemble des fonds propres, mais sur uniquement l'augmentation des fonds propres. Et donc, ça rend le cadeau moins important. Mais voilà, un cadeau qui était déjà naturellement réduit. Et donc, pour le reste, y a quelques limitations, quelques modifications, mais c'est pas énorme. Par exemple, les revenus définitivement taxés, qui sont une forme d'exonération des dividendes qu'une société perçoit de ses filiales, par exemple, visiblement, on n'y touche pas. La FEB demande même qu'on l'étende un petit peu, qu'on passe d'une déduction de 95% à 100%. Les plus-values sur actions, qui sont aussi une des grosses niches fiscales, on supprimerait le petit taux microscopique qui existe actuellement. Hein, aujourd'hui, il y a un taux de 0,412%, on va dire 0,4% sur ces plus-values sur actions que le gouvernement précédent avait instauré. Eh bien, le gouvernement voudrait supprimer ce minuscule taux, voilà, qui avait plutôt un effet symbolique. Hein. Par contre, il veut imposer les conditions de déduction qui existent pour les revenus définitivement taxés, ce qui veut dire en fait que ça profiterait surtout aux grands actionnaires. Donc les grands actionnaires continueraient à avoir l'immunisation. Les petits actionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont une participation, qui ont moins de 10% du capital ou qui ont moins de 2,5 millions d'euros, ils n'auraient plus droit à cette déduction. Donc finalement, c'est une modification qui va pénaliser des petits actionnaires, des petites sociétés, et les grandes sociétés continueront à pouvoir en bénéficier. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui a fait couler un peu d'encre, c'est, je ne vais pas dire beaucoup d'encre, mais on dit qu'il y aurait un impôt minimum de 7,5% qui serait appliqué parce qu'on limite une forme de limitation des niches fiscales, donc des déductions fiscales. Donc on ne pourrait pas déduire à 100% toutes ces niches fiscales qui font un peu l'attrait de la fiscalité belge. Sauf que quand on regarde un peu, mais encore une fois, on ne connaît pas le projet définitif, mais ce qui a filtré des projets, on se rend compte qu'en fait, cette limitation des déductions ne s'applique qu'à certaines déductions très particulières, par exemple les intérêts notionnels, mais qui ne représentent plus grand-chose dans les déductions actuellement avec l'état des taux, ou uniquement des reports de déductions qui n'avaient pas été déduites les années précédentes. Donc on ne touche pas les déductions elles-mêmes, les déductions de l'année, qui généralement sont quand même la plus grosse part des déductions, mais ça ne viserait que les déductions précédentes. Voilà, je ne sais pas si je suis très compréhensible, parce que c'est un peu technique, forcément, ce genre de choses. Et en plus, je n'ai pas d'idée du temps écoulé, du temps qui... Il y a le temps. Il y a le temps, du temps qui me reste. On a essayé avec le service d'études du PTP, on a essayé de faire l'exercice, justement, de voir un peu... dans l'état actuel des connaissances des mesures de cette réforme, on a essayé d'appliquer aux 50 sociétés de notre top 50, donc ceux qui bénéficient le plus des cadeaux fiscaux en Belgique, on a essayé d'appliquer la future réforme de l'impôt des sociétés pour voir ce que ça donnerait. Et au lieu d'un taux de 1%, hein, que j'ai cité tout à l'heure, hein, ces 50 sociétés payent un taux de 1%, elles paieraient 2,4%. Donc c'est plus de deux fois plus. Mais je vais dire que c'est deux fois rien. Ça montre quelque part que, en tout cas, l'idée que ça va être 7,5%, que toutes les sociétés paieront forcément plus que 7,5%, c'est un mensonge supplémentaire, comme est, je pense, le mensonge de la neutralité budgétaire. Alors, cette neutralité budgétaire, maintenant qu'on entend certaines sources, ce serait même mieux qu'une neutralité budgétaire. Certains disent que non seulement la neutralité budgétaire serait respectée, mais que même ça rapporterait de l'argent aux finances publiques. C'est, voilà, il y a lieu de quand même mettre un peu en question ce genre de choses, parce que la FEB a calculé que la... Enfin, je cite la FEB, c'est pas tous les jours, mais la FEB a calculé que la baisse des taux coûterait 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, donc ça, c'est ce qu'on donne aux sociétés. La question, c'est de savoir est-ce que les petites réformes de niche fiscale qu'on va faire vont pouvoir apporter 5 milliards d'euros pour compenser. Selon moi, on est très, très loin du compte. Et alors, je vous cite le rédacteur en chef du magazine Trends, hein, qui, je pense, n'est pas connu comme un magazine gauchiste, et qui disait, je le cite, hein, j'ouvre les guillemets, « Soyons réalistes, la réforme de l'impôt des sociétés n'est pas budgétairement neutre, même pas en rêve. Le souhait du vice-premier ministre Alexander De Croo, donc OpenVLD, donc un libéral flamand très, très à droite, hein, très, très, très ancré à droite. Donc le souhait de Croo, pour moi, et c'est une citation dans la citation, pour moi, cette réforme peut coûter de l'argent à l'État. » Donc voilà, en tout cas, un parti de la majorité qui dit que cette réforme doit coûter de l'argent à l'État deviendra réalité. Et c'est également une bonne chose, car une opération budgétairement neutre aurait peu de portée pratique. Celui qui pense que les multinationales vont en grande partie financer la diminution du taux de l'impôt des sociétés croit encore à Saint-Nicolas. Voilà, donc je pense que c'est clair sur la neutralité budgétaire. Alors, bon, je pense qu'on peut aussi dire que les PME, il y a peu de chances pour que ce soit les grands bénéficiaires de cette réforme. D'abord parce que déjà, rien que mathématiquement, quand on voit l'évolution des taux, vu que le taux normal passe à 25% pour les grandes sociétés ou moyennes les grandes sociétés et à 20% pour les PME, ben la réduction est plus faible déjà rien que mathématiquement pour les PME. Donc déjà, sur le plan-là, ils sont perdants. Mais alors, il y a aussi d'autres aspects qui font qu'ils vont, voilà, ils vont perdre des éléments. Par exemple, le fait que... pour avoir droit justement au taux réduit des PME, parce que les PME ont droit à un taux d'imposition plus bas, mais elles n'ont pas droit à ce taux automatiquement, elles doivent respecter certaines conditions. Et une des conditions, c'est qu'il y a un montant minimum de rémunération à accorder aux dirigeants de la société. Et ce montant va augmenter dans la réforme du gouvernement. Donc il faudra rémunérer plus le dirigeant de la société pour avoir droit au taux réduit. Pourquoi ? Parce que comme ils rendent l'impôt des sociétés plus avantageux, il y a beaucoup d'indépendants en personne physique, donc ils n'ont pas de société, qui risquent de constituer une société pour profiter d'un taux qui est plus bas en société qu'en personne physique. Et donc pour éviter cet engouement pour l'impôt des sociétés, le gouvernement finalement prend cette mesure qui va toucher qui ? Qui va toucher parmi les PME les plus petites des PME, puisque c'est ceux qui peuvent le moins rémunérer leurs dirigeants. Donc on voit que pour les PME, et il y a d'autres éléments, si vous voulez, on peut y revenir, si vous voulez en savoir, que je développe un peu cet aspect-là. Et finalement, je voudrais peut-être quand même clôturer sur la notion même la philosophie même de cette réforme, puisque c'est pas le premier cadeau au capital qui est fait par ce gouvernement. On se rappelle du saut d'index, on se rappelle du tax shift, parce que le tax shift, on a surtout retenu du tax shift que l'impôt des personnes physiques diminuerait et que de l'autre côté, il y a d'autres taxes comme la TVA, les accises qui augmentent et normalement, ça s'équilibrerait. Mais il y a le volet caché, moins connu du tax shift, c'est des milliards de réductions sociales offertes au patronat, ce qui veut dire un définancement de la sécurité sociale, un vol du salaire indirect des travailleurs. Donc les cadeaux au capital ne manquent pas. Et ici, on a un cadeau supplémentaire, un cadeau comme toujours, comme la plupart des cadeaux, offert au nom de la compétitivité, hein, qui est vraiment un mot d'ordre qui est martelé inlassablement pour en fait opérer des transferts de revenus des revenus du travail vers les revenus du capital. Donc je pense que déjà en soi, il faut déjà remettre en cause ce dogme de la compétitivité. Mais même si on admettait ce dogme, ben, je pense que l'impôt des sociétés a peu de lien avec la compétitivité. Et je cite encore ici une étude que vient de publier Francis Wezik, qui est de Oxfam des Pays-Bas, et qui montre qu'il n'y a pas de lien entre la taxation des bénéfices et la compétitivité. Et donc, il prend un graphique, j'aurais peut-être dû apporter un PowerPoint, mais où il met sur un axe la compétitivité des pays, et sur un autre, le niveau de taxation des sociétés. Et effectivement, il dit, il y a quelques pays, la Suisse, deux, trois pays qui sont typiquement les exemples qu'on donne en exemple justement pour dire, regardez, quand le taux d'imposition des sociétés est bas, la compétitivité est élevée. Mais alors il prend d'autres pays qui sont totalement en dehors de ce cadre, donc des pays qui ont des taux d'imposition des sociétés élevés, comme l'Allemagne, la Belgique en fait partie, la France, les USA, le Japon, mais qui ont tout de même une compétitivité importante. Et puis alors, par contre, des pays dont la compétitivité est nulle et qui ont certains un taux élevé, d'autres un taux bas, etc. Donc, il démontre ainsi qu'il n'y a pas de lien entre la taxation des sociétés et la compétitivité. Et c'est assez logique parce qu'en fait, une société qui s'implante dans un pays, elle regarde d'abord tout ce qui peut lui procurer un bénéfice, tous les éléments de localisation, les marchés, la qualité de la main-d'œuvre, etc., tout ce qui va déterminer un bénéfice. L'impôt des sociétés, c'est ce qui vient après les bénéfices, une fois que le bénéfice est déjà là. Parce que si une société investit et n'a pas de bénéfice, mais ne doit pas payer d'impôt sur cette absence de bénéfice ou sur le bénéfice qu'elle n'a pas réussi à faire, ça ne lui sert à rien. Donc ça montre en fait que, et il y a des études qui montrent d'ailleurs que l'impôt des sociétés vient vraiment assez loin dans les critères de détermination de la localisation d'une entreprise. Merci. Sans plus attendre, je passe la parole à Vincent pour voir qu'en fait, c'est 2020, 25% en 2020 pour la Belgique. Je pense que c'est 25% en 2022 pour la France. Donc on est en avance. Et nous permettre un peu une comparaison. Bon, tout d'abord, merci de l'invitation et bravo à vous d'être venu entendre parler fiscalité un vendredi soir. Remarquez, ça aurait été un lundi soir, ça aurait été pareil. Je vais faire juste quelques rappels entre guillemets fondamentaux sur le rôle de l'impôt et puis des éléments de contexte dans lesquels les politiques fiscales françaises, belges et pas que se situent. Et puis vous faire un petit passage sur la loi de finances et je conclurai sur quelques idées alternatives parce qu'il faut se donner un peu d'espoir. Mais moi j'ai coutume dans les interventions sur l'impôt de dire très rapidement l'impôt ne... qui est prélevé sur les ménages, les sociétés, ne disparaît pas dans un trou noir, il est réinjecté dans le circuit économique. C'est juste décisif de savoir ça, parce que ça permet de balayer déjà un premier argument qui est de dire c'est la ponction, c'est une forme de confiscation par l'impôt, et finalement tout cela serait assez anti-économique, parce que globalement c'est vrai que s'il n'y avait pas d'impôt, on aurait plus de bénéfices de pouvoir d'achat. Oui, mais on n'aurait pas de services publics, s'il n'y avait pas de ressources sociales, il n'y aurait pas de protection sociale, et tout ça joue un rôle économique majeur. Au-delà du fait que pour la cohésion sociale, et c'est pas neutre, c'est important que ça permet de réduire les inégalités qui sont anti-économiques, même le FMI vient de s'en alarmer en disant qu'il y a tel niveau d'inégalité que ça plombe l'activité économique, c'est à la fausse. En tout cas, ça crée un patrimoine commun à ceux qui n'en ont pas, mais surtout, ça joue aussi le rôle de stabilisateur automatique. Lorsqu'il y a une redistribution sociale, et lorsqu'il y a un accès aux services publics, il y a une contrepartie directe, et donc les prélèvements, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, sont automatiquement réinjectés dans le circuit économique avec des choix sociaux, des choix économiques, des choix éventuellement environnementaux, donc des choix politiques. Il faut le dire, puis je m'en arrêterai après cet exemple. Il y a l'exemple célèbre, puisque nous, c'est ce qu'on nous serine en France de dire, mais sans doute en Belgique également, parce que le taux de prélèvement obligatoire rapporté au produit intérieur brut en France, en Belgique, en Suède, en Autriche, en Italie, au-dessus de 40%. Donc manifestement, pour les libéraux, c'est trop. On y reviendra pourquoi. L'idée de dire ça plombe l'activité économique, non, ça peut même la soutenir. Je rappelle juste que les pays les moins développés ont un taux de prélèvement obligatoire proche de 15% de leur produit intérieur brut, qui n'est lui-même pas très élevé. Donc il n'y a pas de relation directe, ça prolonge ce que Marco disait, entre le niveau de prélèvement obligatoire et le niveau de développement. J'allais dire même au contraire, puisque plus une société devient riche, plus elle peut opérer des choix pour soutenir les populations. Il faut le savoir parce que finalement, le but de tout ça, ça reste d'ouvrir au marché, et j'allais dire à la finance pour parler court, des secteurs qui aujourd'hui échappent à la logique marchande. Voilà, une partie de la sécurité sociale, une partie des services publics. Donc voilà, ayons ça en tête, c'est, j'allais dire, moi le débat fiscal c'est deux questions, c'est quel est le niveau de l'action publique et qui paye. Ensuite, on a à peu près une grille de lecture qui nous permet de tout affronter. Le contexte maintenant, on est dans un contexte de concurrence fiscale et sociale. C'est un secret pour personne, mais c'est important de comprendre ça, notamment pour voir comment les gouvernements justifient leurs réformes fiscales et notamment la baisse de l'impôt sur les sociétés. La concurrence fiscale, elle était voulue. Enfin, elle est en partie voulue, en partie subie, mais ça reste un choix politique, notamment au niveau de l'Union européenne. On commence aujourd'hui à se dire qu'il faudrait peut-être un peu des règles communes en matière d'impôt sur les sociétés, tellement l'évaporation fiscale, on va le dire comme ça, c'est-à-dire l'optimisation, la fraude est importante, et puis parce qu'il faut quand même des recettes publiques, même quand on mène des politiques libérales, on s'interroge seulement maintenant là-dessus, mais on est dans un contexte de concurrence fiscale et sociale. L'axe majeur de la concurrence fiscale, mais c'est empirique ce que je vous dis, hein, c'est pas l'idéologie, c'est qu'on a allégé l'impôt des bases mobiles, c'est-à-dire ceux qui peuvent se déplacer, en clair les plus riches, et les grandes entreprises. Et on a alourdi l'impôt des bases immobiles, c'est-à-dire les ménages et les PME. Je le fais très court, mais l'axe majeur, il est là. Et on a allégé comment ? Ben, on a déjà allégé un peu l'impôt sur les sociétés, créé des niches fiscales, effectivement, il y en a partout, y compris en France. On a baissé pendant longtemps les taux les plus élevés de l'impôt sur le revenu. Hein, c'est une réalité. On a supprimé ici ou là, et donc ça va être le cas en France, les impôts sur le patrimoine, en tout cas considérablement allégés. Mais dans le même temps, on a augmenté par exemple la TVA. Partout dans l'Union européenne, les taux de TVA ont augmenté. Je le dis juste au passage, la TVA, il faut une TVA, mais est-ce qu'elle doit représenter la moitié des recettes fiscales, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens ? À partir du moment où la TVA est quand même globalement un impôt régressif, j'entends par là que quand vous dépensez 12 euros pour un bien de consommation courante, que vous soyez le plus pauvre de Belgique, de France ou le plus riche, vous allez payer 2 euros de TVA. Ces 2 euros de TVA vont proportionnellement être beaucoup plus lourds dans le budget des ménages modestes que dans le budget des ménages aisés. Toutes les études statistiques l'ont montré, c'est mécanique. Plus vous gagnez, plus la part de la consommation diminue au profit de la proportion épargnée. Alors que quand on gagne peu, on consomme tout. Donc le poids de la TVA, le poids en pourcentage est plus élevé. Donc il y a une redistribution à l'envers qui s'est opérée dans la plupart des pays européens, où on a donc baissé certains impôts sur le capital, pour faire court, et augmenté les impôts sur la consommation, la TVA, mais aussi les droits d'accise, etc. C'est important de comprendre ça, parce que ça nous fournit une grille de lecture idéologique sur ce qui se passe, et de tirer aussi un bilan de cette concurrence fiscale. Est-ce qu'elle a empêché la crise ? Non. Est-ce qu'elle a vraiment relancé l'activité économique ? Est-ce qu'elle a favorisé la transition énergétique ? Que sais-je ? Et fourni les besoins sociaux ? Objectivement, même si on est dans des pays développés, on peut se dire que le bilan de la concurrence fiscale est globalement mauvais. Et pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où chacun des pays a fait ça, c'est un jeu à somme négative pour les populations. Elles ont perdu de l'argent. Les populations ont vu accroître certains prélèvements, notamment, donc, je disais, la TVA. Et puis, dans un contexte de liberté de circulation des capitaux, ça a favorisé l'accumulation de richesses. Et c'est pas un hasard si les inégalités s'accroissent partout au niveau de l'Union européenne, à tel point, je le disais, que le FMI, l'OCDE s'en alarme. C'est quand même pas des institutions de gauchistes, hein. Quand ils disent, quand le FMI dit il y a encore quelques jours, il faudrait peut-être un peu plus de progressivité dans les systèmes fiscaux pour corriger les inégalités, c'est parce qu'ils n'ont pas oublié, en tout cas ils ont un éclair de lucidité, les théories libérales qui disaient que si la rente, si une classe de rentiers émerge, eh bien ça plombe l'activité économique. Je voulais faire ce bref passage quand même, puisque malheureusement, ce qu'on se dit là, ce que des économistes divers disent, les leçons n'ont pas été tirées, notamment en France. Alors que se passe-t-il en France ? Eh bien, la différence de la Belgique... Ah non, pardon, pareil, on allège l'impôt sur les sociétés. Mais il y a un chaînage qui est très logique en France. Puisqu'il faut remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, en France, le débat, c'est on supprime l'ISF, on baisse l'impôt sur les sociétés, on transforme le crédit compétitivité emploi. La population a tous les jours ces polémiques-là. Le gouvernement qui dit on va taxer les yachts, etc. Comment s'y retrouver? On prend un peu de hauteur et regarde. Donc il y a un chaînage très logique. C'est une comédie dramatique en plusieurs actes, mais qui vont se mettre très rapidement en œuvre. Premier acte, on allège les impôts, notamment l'impôt sur les sociétés, sur les entreprises. Il va baisser à 25% d'ici 2022. Ça va se faire progressivement. Et pareil qu'en Belgique, on maintient les niches fiscales, notamment le crédit un peu recherche, hein, qui n'a pas développé la recherche mais l'optimisation, notamment les possibilités d'éluire du bénéfice des amortissements, d'ailleurs de manière assez importante, puisque en France, on a, comme en Belgique, un taux facial élevé, puis une réalité de l'imposition qui est sous la moyenne des pays de l'OCDE. Ça, on le dit, dans les médias, on ne l'entend pas parler. C'est une réalité statistique. J'ai les chiffres. Bref, on va diminuer l'impôt sur les sociétés. Que vont faire les sociétés de cette économie d'impôt? Ça va leur permettre de distribuer plus de dividendes. L'année dernière, les entreprises du CAC 40 ont distribué plus de la moitié de leurs bénéfices en dividendes. 46 milliards d'euros. On est presque revenu au niveau de 2007, le niveau record juste avant la crise. Donc les entreprises, au moins les grandes, ne se portent pas si mal. Ensuite, deuxième acte. On allège l'impôt sur le revenu, sur les distributions de revenus financiers, notamment de dividendes, au niveau des personnes physiques. Donc on l'allège considérablement. Je ne reviens pas sur les chiffres. Juste un exemple, quand même. Un profil avec quelqu'un qui déclarait 200 000 euros de revenus et 100 000 euros de dividendes va économiser sur une année 13 000 euros. C'est une année de SMIC en France. Donc c'est intéressant. C'est une vraie économie. Puis on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune. On était un des rares pays où on ne l'avait pas. C'est pour ça qu'ils venaient en Belgique, d'ailleurs, pour échapper à la plus-value et à l'ISF. Et on exonère, de fait, puisqu'on supprime l'ISF, on exonère la taxation du stock de capital. Donc c'est très logique. On baisse l'impôt sur les bénéfices, on baisse l'impôt sur les revenus distribués aux personnes physiques et on exonère le stock de capital financier au niveau des personnes physiques. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Augmentation de ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie et des inégalités, puisque ça va être concentré sur le 1% des Français les plus riches. L'excuse qu'on nous dit, notamment j'en reviens à l'impôt sur les sociétés, c'est « oui, mais on a un impôt sur les sociétés, un des plus élevés du monde, en tout cas d'Europe ». Il y a des coupures de presse à ne plus en finir là-dessus. Donc je vous le disais, sauf que la réalité de l'impôt sur les sociétés, c'est pas celle-là. La réalité de l'impôt sur les sociétés, c'est que comme notre base est très étroite et notre taux élevé, le poids de l'impôt sur les sociétés dans la richesse nationale est inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE, par exemple. Ça ne se sait pas. Mais le gouvernement, non seulement ne retouche pas aux niches fiscales, mais discrètement en corrige deux, trois autres. Alors nous, on n'avait pas les intérêts notionnels, mais il y avait des conditions pour déduire les charges financières du bénéfice. Il y a une de ces conditions qui vient de sauter. Donc ça va permettre à certaines entreprises, notamment dans les cas de restructuration, et vous savez ce que ça veut dire restructuration, ça veut dire plus de chômage, certaines entreprises vont pouvoir déduire des charges financières de leurs bénéfices. C'est passé inaperçu, mais c'est pas neutre non plus. Donc il y a un réel allègement, et puis il y a d'autres prélèvements sur les entreprises qui sont allégés, la taxe sur les salaires, la taxe sur la distribution de dividendes. Donc il y a un allègement frontal, ça représente tout ça plus de 11 milliards d'euros en année pleine en 2022. Par contre, il faut quand même trouver des ressources, parce qu'il y a Bruxelles, alors j'entends là la Commission européenne, qui nous dit attention, les déficits, etc. Donc on va augmenter quoi? La taxe sur les diesels, 3,7 milliards en une année. On augmente la taxe sur les tabacs, etc. Puis au milieu de tout ça, le gouvernement s'est dit on va faire un peu de politique quand même, et puis alléger la taxe d'habitation des ménages. On allège la taxe d'habitation des ménages, sauf que les élus sont vent debout parce qu'ils ont des compétences à financer et que du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il y a d'autres impôts locaux et des tarifs de services publics locaux qui vont augmenter. Donc voilà le paysage de la loi de finances. Et avec des discours très simples, et le gouvernement nous dit on va revenir de la moyenne européenne. Alors c'est marrant, cette moyenne européenne, parce qu'aujourd'hui, on nous dit la moyenne européenne, c'est 25%. Bon, il y a deux ans, Valls, Premier ministre, disait la moyenne européenne, c'est 28%, donc on va baisser à 28%. Mais évidemment, si on baisse les taux, la moyenne baisse, donc c'est une course sans fin. Donc je ne sais pas s'il faudra finalement s'aligner sur une moyenne à 12,5%, hein, 12,5% le taux d'impôt sur les sociétés de l'Irlande. Mais enfin, on voit bien où on est. Dernière quelques minutes maintenant sur ce qui se passe aussi au niveau européen, puisque... Je disais, dans un contexte de concurrence fiscale, honnêtement, tous les pays jouent ce jeu-là. Vous avez vu Theresa May qui, dans le cadre du Brexit, a annoncé une baisse de l'impôt sur les sociétés à 17, voire 15%. En Hongrie, c'est 9%. Donc on se dit, mais c'est une spirale infernale, ça n'en finira jamais. Il y a quelques projets dont on peut discuter au niveau donc de l'Union européenne qui dit qu'il y a quand même objectivement un peu de désordre là-dedans, puisque la concurrence fiscale, mais aussi l'évasion fiscale, la fraude fiscale, enfin tous ces contournements légaux ou illégaux de l'impôt déstabilisent les économies, introduisent des distorsions de concurrence, créent des inégalités, plombent quand même les recettes publiques, puisque implicitement, ça veut dire quoi ? Que l'école aujourd'hui dominante, c'est celle, elle est très ancienne au fond, hein. Ce ne sont pas des modernes, hein, ceux qui sont au pouvoir, hein. Ils s'inspirent des théories conservatrices du 19e siècle, ou plus récemment d'Helmut Schmidt quand il disait « les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain, les emplois d'après-demain hein. ». En fait, les profits d'aujourd'hui, c'est d'abord les profits d'aujourd'hui. Hein. Le lien, on l'attend toujours. Mais ils sont toujours sur cette dynamique-là, sur cette école-là. Et il y a quand même des travaux qui consistent à dire qu'il faudrait mettre un peu d'ordre là-dedans. Alors il y a l'OCDE sur la question de l'évasion fiscale qui a pondu le plan BEPS, notamment qui concerne l'économie numérique, parce que vous savez qu'au niveau des GAFA, tu disais tout à l'heure, la taxation 0,1%, c'est vraiment ça, la taxation des GAFA. Et l'économie numérique, évidemment, le droit fiscal n'est pas adapté, donc il y a une réflexion pour savoir comment on relocalise une partie de l'impôt sur les sociétés sur cette économie numérique. Et puis il y a le projet d'harmonisation de l'impôt sur les sociétés au niveau de l'Union européenne, d'harmonisation de la base. Deux minutes là-dessus, parce que c'est un projet intéressant, mais qu'il faut bien décortiquer. Parce que Le projet qui est aujourd'hui en discussion comporte deux volets. Des règles communes pour déterminer l'impôt sur les sociétés et éventuellement la consolidation. La consolidation, c'est quoi ? C'est que, par exemple, au hasard, vous avez un groupe de sociétés établi en Irlande, voilà, qui a une activité sur l'ensemble de l'Union européenne. Eh bien, on déterminerait avec des règles communes le bénéfice européen, pour faire court, qu'ensuite on découperait, hein, il y aurait une redistribution avec des critères, hein, la masse salariale, les immobilisations, le chiffre d'affaires, selon les pays. Mais la consolidation, aujourd'hui, elle n'est pas actée, parce que c'est difficile au niveau fiscalité, au niveau de l'Union européenne, il faut l'unanimité. Tout le monde n'est pas unanime sur cette question-là. Donc si on n'a que des règles communes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des différences entre les taux faciaux et les taux réels. Demain, les taux faciaux seront les taux réels. Et si on n'a qu'une base commune, pas de consolidation et pas de neutralisation de la concurrence fiscale, j'y reviendrai, on risque d'accélérer paradoxalement la concurrence fiscale et d'avoir, puisqu'aujourd'hui tout ça est un peu technique, mais demain si on a les mêmes règles, celui qui affichera 25 par rapport à celui qui affichera 12,5, on sait que c'est vraiment 25% d'un côté et vraiment 12,5 de l'autre. Donc à 25, on vous dira bientôt, non, 25 c'est trop, ça doit être 20, 18, etc. Donc ça veut dire quoi ? Si on veut neutraliser la concurrence fiscale, puisque techniquement on sait harmoniser la base, on sait aussi techniquement neutraliser les taux, c'est-à-dire prendre un engagement avec les pays qui le voudraient, au minimum au niveau de la zone euro, de dire on arrête la course des taux. On en reste déjà là où on en est. Vous voyez, ce n'est pas révolutionnaire. Et ensuite, on commence à travailler, si possible, à une harmonisation fiscale au niveau de l'impôt sur les sociétés, mais avec un taux plancher sous duquel on ne pourrait pas descendre, et reprendre une logique inverse au niveau de la TVA, où vous avez déjà ce mécanisme pour le taux normal, notamment de taux plancher et de taux maximum, de dire qu'il ne faudrait pas que ça dépasse un certain niveau. Ça, combiné avec une vraie réforme du système de la TVA, je fais un petit contour parce que ce n'est pas l'impôt sur les sociétés, mais c'est la réalité fiscale du moment. Et on sait que la TVA est particulièrement fraudée. Plus des outils communs pour lutter contre la fraude, parce que les procédures de contrôle sont très nationales, ça commencerait à ressembler à quelque chose. Nous, on a baptisé ça du nom de serpent fiscal européen. Il y avait un serpent monétaire avant qui limitait les écarts entre les monnaies, mais il pourrait y avoir déjà ce serpent fiscal qui à la fois respecterait les différences entre les pays, mais commencerait à constituer un outil commun. Mais ça, c'est évidemment à très long terme, on en est là, dans l'urgence. Il faut qu'on reprenne sur la question de l'impôt sur les sociétés, mais ça tombe bien, j'en ai pour une minute, sur cette question de la société, ce qui est éminemment symbolique, parce que ce que jouent les gouvernements, c'est déjà d'envoyer un signal au marché financier, notamment au marché financier, hein, pas tant l'économie réelle, de dire « Regardez, on baisse les taux. Venez chez nous. » Mais si tous les pays font ça, alors je dis « Tous les pays perdront, ne gagneront pas davantage de recettes. » Par contre, les incidences, il faut bien voir ce chaînage, c'est qu'à partir du moment où on baisse l'impôt sur les sociétés, on se prive de ressources, on met sous pression l'action publique. En France, ça va se traduire peut-être demain par des privatisations. C'est ce que le gouvernement a annoncé. Voilà. À partir du moment où on n'a plus les moyens d'eux, parce qu'on s'est privé des moyens, voilà ce qui va advenir. Et ça aura un coût social et ça aura un coût économique. Et puis, il faut revenir aux fondamentaux, ça sera ma conclusion. Les principes fiscaux, c'est que chacun contribue à raison de ses facultés. Et la faculté d'une entreprise, c'est son bénéfice. Et très logiquement, celui qui fait un bénéfice doit contribuer aux charges communes parce que les sociétés bénéficient de la qualité de la main-d'œuvre, du système éducatif, des infrastructures, etc. De ce point de vue-là, il faut défendre l'impôt sur les sociétés. Si possible, un IS est juste. Merci. Alors, après avoir... on voit que c'est un sujet assez technique, ça c'est clair. Après avoir fait cette présentation des réformes, je vais demander aux deux syndicalistes, à ma droite pour une fois... À leur gauche. Et à votre gauche. Mais d'une part, de se positionner un peu par rapport à cette réforme, même si on ne la connaît pas encore complètement, mais aussi de voir quelles sont les propositions... d'un point de vue syndical, par rapport à l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Marie-Hélène ? Ça peut être utile. Mais en fait, ça peut aller assez vite, parce que je dois dire que ce que vient de dire Vincent Drézé, j'aurais pu le dire quasi avec les mêmes mots. Et je pense que ce cadrage-là, il est important. Donc j'ai retenu, en termes de cadrage, quelle action publique et qui y contribue. Moi, j'avais noté, pour ce qui nous concerne en tout cas... que la vision qu'on a de la société, c'est la vision qu'on a de la fiscalité. C'est ce qu'on veut mettre ensemble pour construire des biens communs, que ça s'appelle des routes, que ça s'appelle de l'enseignement, que ça s'appelle des bâtiments, des soins de santé, un système de sécurité sociale. Je pense que ça, c'est la base. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que l'économie n'est pas une science exacte. Et donc je trouve que c'est important. Vous l'avez mentionné en disant, finalement, les économistes sont très peu modernes, je partage. Et quand il y en a quelques-uns qui osent s'écarter un petit peu du droit chemin tracé par l'école de Chicago ou d'autres, on les traite de tous les noms. Je vais prendre un exemple récent et qui vous parlera sans doute. J'imagine que dans la salle, vous avez toutes et tous entendu parler de Thomas Piketty, qui n'est quand même pas un philosophe ou un illuminé complet, puisqu'il est mathématicien et économiste. Il s'est fait traiter la semaine dernière de commentateur de l'actualité parce qu'il osait... attaquer certaines vérités économiques ou dites vérités économiques. Et donc, ce n'est pas une bataille de bisounours non plus, la discussion sur la fiscalité et sur l'économie. On sent bien qu'il y a un courant qui est là depuis 30, 40 ans, qui a dominé tout le débat sur l'économie et qui aujourd'hui n'accepte pas que ce qu'il considère comme être une vérité révélée soit mis en question. Je pense que c'est un point fondamental dans tous les débats économiques et notamment dans le débat sur la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, on nous assène des chiffres sur la fiscalité comme si c'était des vérités incontestables. Donc je voulais quand même le dire d'emblée, parce que ça me semble important dans le débat public. Pour venir maintenant à ce que l'on veut faire, d'abord pour dire par rapport à la réforme de l'impôt des sociétés, puisque c'est de là qu'on part, et je propose de partir de là et puis d'élargir. Nous, comme organisation syndicale, que l'impôt des sociétés soit... un impôt réel, c'est-à-dire que le taux facial corresponde au taux réel, c'est une exigence que nous avons. Sinon, on fait des débats monstrueux pour dire on est champion du taux d'imposition des sociétés chez nous, mais on sait très bien que qu'on prenne les données de la Banque nationale, qu'on prenne celles du Conseil supérieur des finances, qu'on prenne toute une série de données économiques, qu'en fait, le taux d'imposition réel des entreprises est beaucoup plus bas, voire inexistant dans certains cas, que le taux facial. Et donc si on peut se rapprocher d'un taux qui soit un taux effectif, je pense qu'on aura gagné. Pourquoi est-ce que je veux le mettre en évidence ? Parce que c'est aussi une question de lisibilité de l'action publique. Je m'explique, j'essaie d'avoir des mots assez simples là-dessus. Aujourd'hui, on nous fait tout un fromage sur le fait que le taux d'imposition est extrêmement élevé. Je pense qu'on a besoin de clarté, de simplification. Et moi, je préférerais de loin, c'est en tout cas la position qu'on a comme CSC, un taux d'imposition qui soit un taux d'imposition réel, mais dont on ait enlevé toutes les niches, les déductions, les possibilités d'évasion, ce qu'on appelle toutes les portes arrière de la maison, pour avoir une vraie discussion sur quel est le taux de contribution à la société qui doit venir des entreprises. Alors ça permettrait un vrai débat. Et donc, moi, je ne fais pas de fétiche sur les chiffres. Est-ce qu'on doit s'aligner sur 27, sur 30, sur 25, etc. Est-ce qu'on doit d'ailleurs avoir une distinction entre les petites et moyennes entreprises et les grandes? Il y a peut-être d'autres distinctions qui sont plus pertinentes aujourd'hui, je n'en sais rien. Et quand j'ai entendu l'introduction encore sur la manière dont les petites entreprises fonctionnent, celles qui sont sous forme d'indépendants, celles qui sont sous forme de société, etc., on arrive très vite dans des discussions un peu compliquées. Donc, première chose, rappeler le rôle fondamental de l'impôt, de la contribution, de la juste contribution. Et notre principe de base, il est assez simple. Il est que chacun contribue en fonction de ses possibilités et chacun reçoit en fonction de ses besoins. C'est un principe assez simple. Notre deuxième principe, c'est que 1 euro égale 1 euro. Je m'explique. Quand vous globalisez les revenus qui sont les vôtres, ça vaut pour les particuliers, ça vaut pour les entreprises, que vous gagnez votre vie, que vous ayez un immeuble, deux immeubles, trois immeubles, que vous ayez gagné au loto, que vous ayez hérité ou que vous ayez tout autre bien, moi, personnellement, ça ne me choque pas, pour autant que vous contribuiez justement et donc progressivement aussi par rapport à vos revenus. Or, aujourd'hui, on est dans le moins-disant fiscal à tous les niveaux, que ce soit en impôt des personnes physiques, que ce soit sur la TVA, que ce soit sur l'impôt des sociétés, que ce soit sur les cotisations de sécurité sociale, parce qu'on considère chaque fois que ce sont des tiroirs séparés. Mais ce sont des tiroirs séparés de la même personne. Vous et moi, vous avez un revenu, un patrimoine global plus ou moins important. Et donc, il faut qu'on puisse contribuer progressivement. Donc ces deux principes de base sont des principes qui, pour nous, valent tant que pour l'impôt des sociétés que pour les autres éléments d'impôt. Je me rallie aussi à ce que Vincent Drezé disait sur l'idée d'un serpent fiscal entre les États européens. On ne peut pas être dans le moins-disant fiscal tout le temps. Je trouve d'ailleurs ça assez surprenant que des responsables politiques, quels qu'ils soient, quand ils sont au pouvoir, visent toujours à être dans les derniers de la classe. C'est-à-dire à ne pas être ceux qui sont champions d'eux, mais ceux qui sont le plus bas possible en matière d'imposition. En matière sociale, c'est la même chose. C'est être le plus bas possible et ne surtout pas être celui qui montre la voie et qui donne l'exemple. Et donc ce que nous demandons, c'est que 1 euro soit égal à 1 euro, que la taxation progressive soit une réalité et qu'un certain nombre de déductions, de niches fiscales ou de mécanismes d'évasion fiscale soient effectivement et durablement supprimés. On a longuement parlé des intérêts notionnels. Aujourd'hui, c'est devenu un peu un fétiche, mais il n'en reste pas grand-chose. Mais il y a des tas de choses qui coûtent bien plus cher à l'État que les intérêts notionnels. Nous souhaitons aussi qu'il y ait une coordination fiscale au niveau européen. C'est quand même invraisemblable que le seul domaine où, au niveau européen, il faille l'unanimité, c'est la question de la fiscalité. Et donc, au moins sur les pays qui partagent une même monnaie, donc les pays de la zone euro, il est indispensable qu'il y ait une coordination fiscale. Je ne peux quand même pas échapper à un petit mot sur les questions de fraude non plus et de déductibilité. Parce que là, il y a quand même vraiment un paradoxe important. Quand vous avez des sous, que ce soit comme particulier ou comme entreprise, le mot d'ordre suprême, c'est respect de la vie privée. On ne peut rien savoir. On ne peut pas communiquer vos données. Le fisc ne peut pas communiquer s'il n'y a pas un soupçon de fraude avéré, etc. Par contre, si vous bénéficiez d'une allocation de chômage, d'une allocation de maladie et invalidité, alors il faut croiser absolument toutes vos données et faire le cadastre de vos revenus. On va vérifier vos compteurs d'électricité, vos compteurs d'eau, pour savoir si vous habitez bien au bon endroit, avec la bonne personne, etc. Et donc ce deux poids deux mesures entre, d'une part, ceux qui disposent d'un capital, quel qu'il soit, que ce soit comme personne privée ou que ce soit comme société, pour qui respect de la vie privée, on ne peut rien savoir, et on suppose que vous êtes blanc comme neige, et il faut que la fraude soit avérée pour qu'on puisse la traquer. Et d'autre part, le commun des mortels, 90% de la population, vous et moi, bénéficions soit d'un revenu, soit d'une allocation, pour lesquels, là, il faut la transparence totale. Et vous faisiez référence tout à l'heure à un éditorialiste, j'ai repris le même, ou en tout cas celui du même journal, qui évoquait la notion des cadastres, parce que c'est très à la mode. Hein, quand on arrive quelque part, on fait le cadastre de la situation pour voir s'il n'y a pas de cadavres dans les placards. Alors on fait un cadastre du budget. En Wallonie, c'est demandé maintenant. On fait un cadastre des avoirs des personnes. On fait un cadastre des aides à l'emploi pour savoir si elles sont bien affectées là où elles doivent être. Des subventions aux associations, parce que c'est quand même important de savoir si tout est bien en ordre. Par contre, le Premier ministre s'est engagé face caméra à dire qu'il n'y aura jamais d'un cadastre des fortunes. Il n'y a rien à voir. Circuler... Je trouve que c'est très symptomatique. Ça relève d'une profonde logique idéologique qui est de dire on ne peut pas savoir, on ne veut pas regarder, on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir. Et donc pour nous, ce cadastre, il est important. Il est important aussi pour les sociétés de savoir qui paye quoi, comment est-ce qu'on le paye. Il n'y a pas de honte, les sociétés doivent publier leurs comptes et donc je pense qu'il faut pouvoir faire la transparence là-dessus. Je vais encore évoquer deux petits éléments qui ne sont pas si petits que ça. C'est tout d'abord, comment est-ce qu'on va demain mettre à contribution ou faire en sorte que les sociétés contribuent au fonctionnement de la société. Ça a été évoqué aussi par les intervenants précédents. Aujourd'hui, on a toute une série de firmes qui échappent à toute contribution. Les Yahoo, Amazon, Google, mais demain, les Uber ou Deliveroo ou que sais-je. Et donc, il est urgent pour nous de s'attaquer à cette question-là, de savoir comment est-ce que une activité économique, parce que qu'elle soit sous forme d'entreprise ou pas, contribue au territoire sur lequel elle est localisée. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile pour ces sociétés. Elles sont localisées dans la Silicon Valley ou ailleurs, mais elles utilisent aujourd'hui, si Uber est en Belgique, ils utilisent des routes qui ont été financées par vous, par moi, par les citoyens, des pistes cyclables pour les livreurs de Deliveroo, les réseaux de fibres optiques et de câblage qui ont été mis en place et financés en partie par les pouvoirs publics, etc. Donc il est important de trouver une base d'imposition qui permette de répondre à cette nouvelle économie. Sinon, effectivement, c'est un nombre toujours restreint d'entreprises aussi qui vont payer. Et donc je comprends aussi la frustration d'un certain nombre d'indépendants ou de petites entreprises qui disent « Finalement, nous, comme on est les seuls à ne pas savoir bouger, eh bien, nous sommes les dindons de la farce. » Donc c'est pour nous urgent d'avancer sur cette question-là. Dernier élément que je veux évoquer, en tout cas en introduction, c'est la question de la... Donc le fait que tout le monde puisse contribuer. Et puis il y a un point que je ne peux pas quand même passer sous silence, parce qu'on en a beaucoup parlé il y a quelques années, et puis ça a disparu de la scène, c'est la taxe sur les transactions financières. Je voulais quand même l'évoquer. C'est une taxe qui a été évoquée il y a plus de 15 ans maintenant par James Tobin pour dire finalement le capital est très mobile, il se déplace et c'est le seul qui n'est pas mis à contribution sur les territoires sur lesquels il est. Il y a eu toute une série de variantes de cette proposition. Il y a quelques années d'ici, 10 États européens, 10 ou 11, je ne sais plus exactement, se sont engagés à dire on va mettre en place une taxe sur les transactions financières parce qu'une taxe de 0,0 quelque chose sur tout ce qui passe, ça fait des montants sérieux quand même, et ça permettrait de financer de manière importante un certain nombre d'outils de développement. La Belgique, championne tous azimuts, a décidé qu'elle ne s'inscrirait pas dans cette taxe sur les transactions financières. C'était une opportunité historique pour un petit pays au cœur de l'Europe de faire un pas qui ne taxe pas les entreprises qui sont localisées ici, leurs bénéfices, etc., mais qui donne aussi des perspectives sur des mises à contribution futures de ces fameuses transactions financières. Parce qu'aujourd'hui, on a des bulles financières un petit peu partout. Un jour, il faudra quand même payer l'addition. Et quand il faut payer l'addition, c'est vous et moi, ce sont les citoyens qui le payent. Donc voilà ce que je voulais un petit peu évoquer. Donc un, sur l'impôt des sociétés tel qu'il est en Belgique, qu'on rapproche le plus possible le taux facial avec le taux réel qui doit être payé et que ce soit clair et transparent et pour nous une urgence. Deux, que toutes les entreprises, que tous les moyens de production soient mis à contribution pour participer au financement de la société. Qu'on arrête aussi cette hypocrisie qui est de dire tout ce qui touche à l'argent, finalement, on ne peut pas trop le voir, mais tout ce qui touche à la protection sociale et aux individus, à vous et à moi, il faut que ce soit contrôlé, cadastré, monitoré et puis sanctionné. Et puis notre principe de base, il est et il reste que 1 euro est égal à 1 euro et non que plus on a de moyens, eh bien, qui nous semble logique, sain, que l'on contribue aussi plus au financement de la société. Merci. Mais je passe la parole à Robert Verteneuil, donc secrétaire général de la FGTB. pour une dernière intervention lors de ce premier tour. La question est, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Non, beaucoup de choses ont été dites. D'abord, excusez-moi, mais je croyais être sorti d'une pharyngite, mais manifestement, elle reprend de plus belle. Donc, sorry pour les moments où je dois tousser. Mais je pense que la question a été posée deux fois, et il faut réinsister sur cet aspect-là des choses. C'est qu'on ne peut pas parler de politique fiscale dans un pays si on ne parle pas effectivement de ce qu'on a besoin. Parce que la fiscalité, on ne taxe pas les gens pour les taxer. On les taxe parce qu'à un moment donné, on a décidé de vivre dans un État, dans une société, et que cette société a décidé d'organiser un certain nombre de biens communs, de choses communes, et que pour pouvoir l'organiser, elle a besoin d'argent pour le faire. Et donc, on oublie toujours cet élément-là, parce qu'on discute toujours de la fiscalité sans parler des besoins. Or, on devrait commencer par discuter des besoins. De quoi avons-nous besoin? De qu'est-ce que nous avons besoin comme citoyens que l'État organise pour le bien du plus grand nombre? Et je pense que ça, c'est la question fondamentale. Parce que c'est effectivement exactement l'inverse qu'aujourd'hui le gouvernement fait. Et je reviendrai dans mon propos, vous comprendrez pourquoi j'insiste sur cette question. De quoi avons-nous besoin pour que nous soyons dans un État où les gens vivent convenablement, décemment. Et à partir du moment que j'ai défini les besoins, j'ai défini ce dont je dois aller chercher, ce que je dois aller chercher comme argent. Deuxième élément, c'est que je pense qu'on ne peut pas parler de politique de la fiscalité des sociétés sans oublier qu'il faut avoir une vue sur l'ensemble de la fiscalité d'un État. Parce que évidemment, à partir du moment où on a défini ce dont on avait besoin, on peut soit effectivement dire on va mettre tout sur le compte des citoyens et on va rien mettre sur le compte des entreprises, soit on décide de mettre tout sur le compte des entreprises, on met rien sur le compte des citoyens, pour dire deux énormités extrêmes. Moi, je pars d'un principe relativement simple. Il y en a plusieurs qui ont déjà été évoqués, avec lesquels je suis d'ailleurs tout à fait d'accord. C'est que si effectivement, comme le disait Marie-Hélène, un euro est égal à un euro, et donc pour moi, peu importe ce qui a créé ce nouvel euro, il doit être traité de la même manière. Qu'il ait été fait par une plus-value d'entreprise, parce qu'on a produit, on a vendu plus cher, on a fait un bénéfice, qu'il s'agisse d'un revenu du travail, qu'il s'agisse d'un revenu d'un capital, qu'il s'agisse d'un revenu d'un loyer... On a créé de l'argent, on a créé un gain. Eh bien, quel que soit le type de gain, il doit être mis exactement au même niveau. Or, nous avons un système fiscal en Belgique et globalement dans toute l'Europe, voire à la limite dans tout le monde, qui ne fait absolument pas l'égalité entre les types de revenus. Si vous prenez la situation des simples revenus du citoyen, les revenus du travail ne sont pas taxés de la même manière que les revenus du capital, ne sont pas taxés de la même manière que les revenus du patrimoine, l'immobilier. En matière, des entreprises, c'est la même chose. Ils ne sont pas taxés de la même manière. Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie, au nom de l'équité, qu'un euro gagné par une entreprise ne soit pas soumis à la même taxe qu'un euro gagné par un travailleur, avec ses mains ou avec sa tête ? Ça ne se justifie pas. Et donc, il faut, je pense, revenir à ce fondamental-là si on veut avoir une vue, selon moi, progressiste des choses. Alors, la première question que je me pose, quand j'ai examiné un peu la situation, est-ce que la réforme qui est aujourd'hui proposée par Van Orpel est nécessaire? Marco Vanès a répondu tout à l'heure. Si, en effet, le taux est important, le taux nominal est important... C'est pas le taux nominal. Personne ne paye le taux nominal. C'est comme quand on vous dit que le taux moyen de l'IPP, il est d'autant en Belgique. Personne ne paye le taux moyen. Ça n'existe pas. C'est comme le salaire minimum. C'est comme le salaire moyen. Personne ne gagne le salaire moyen. On est toujours soit au-dessus, soit en-dessous. Donc le taux nominal, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut aller regarder, c'est ce que effectivement, au bout du compte, combien l'entreprise paye. Et là, on voit que effectivement, les entreprises en Belgique sont exactement dans la moyenne européenne. Mieux que cela, en fait, ils payent moins que certains pays voisins. Le taux moyen effectif de l'impôt des sociétés belges est inférieur à celui des Français, est inférieur à celui des Hollandais. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut donc dire que cette réforme, si on la place soi-disant à l'aune de la compétitivité des entreprises belges par rapport aux pays voisins, elle n'est pas justifiée. Ça n'a aucun sens. La seule sens que ça a, c'est de permettre aux entreprises d'accroître leurs bénéfices. de manière évidemment à court terme, puisque par le mécanisme qu'on a rappelé tout à l'heure de la concurrence fiscale entre les États, dès qu'un État baisse un taux, ben l'autre le baisse tout de suite. Il n'y avait pas trois semaines que la Belgique avait annoncé sa réforme de baisse de l'impôt des sociétés, que la Hollande annonçait que ce serait 21 chez eux. Donc, on ne va jamais s'en sortir. Sauf que parfois, un petit peu sur le temps, on gagne, et donc on fait des bénéfices à très court terme. Enfin, ou plutôt, on fait des gains à très court terme. Donc, je pense que le but de tout ça, il repose en fait sur une idée politique qui est derrière. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Parce que ce qui se passe dans le cadre de l'impôt des sociétés, c'est passé dans d'autres cadres aussi. On a parlé de la taxe chiffre. Soi-disant, la taxe chiffre, elle aussi, elle doit être neutre budgétairement. Sauf que la taxe chiffre, ce qui devait normalement compenser la taxe chiffre, n'est absolument pas mis au point. Ils ont déjà changé trois fois de chiffres, d'ailleurs. Ils sont très fâchés avec les chiffres au gouvernement. À mon avis, il n'y a pas de comptable dans les services techniques, parce qu'ils nous annoncent sur la taxe de Caïman, ils annoncent 120 millions au départ, puis ils vous disent quelques mois plus tard, finalement, ce sera 450 millions. 120 millions, 450 millions. Ils n'ont pas encore écrit une ligne sur la chose, mais ils savent déjà que c'est passé de 120 à 450. Et puis, dans la dernière mouture, ici, pendant l'été, ils ont dit, il nous manque encore 100 millions. Allez, hop, on va remettre 50 millions, une couche de plus, sur celui-là, et 50 millions sur l'autre, et comme ça, le budget est bouclé. Bref, je veux dire par là qu'en fait, on est en train, en effet, de faire une série de cadeaux aux riches, des cadeaux aux entreprises. On nous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien, Madame la Marquise, on va compenser tout ça, alors qu'il n'y a pas encore au moins aucune mesure qui n'est sérieusement mise sur la table, et en tout cas, on ne sait pas les chiffrer. Et en fait, quelle est l'idée politique qu'il y a derrière tout ça? Ben, c'est assécher les moyens de l'État. Et qu'est-ce qu'on a derrière ça? C'est la privatisation. C'est la privatisation de vos services publics. C'est la privatisation de pans entiers de la sécurité sociale. Parce que c'est ça le projet politique qui est sous-entendu. Et il faut toujours expliquer qu'une politique fiscale, ça correspond aussi à une politique par rapport à ce qu'on veut faire par l'État. Vous avez compris le lien que je faisais par rapport aux besoins au départ, évidemment. Si on considère que l'État ne doit pas s'occuper de sécurité sociale, évidemment, on peut se permettre de lâcher les bris et de dire, sécurité sociale, au fond, c'est la privatisation, les assurances privées n'ont qu'à s'en occuper, l'État n'a pas besoin de s'en occuper. Alors évidemment, on peut jeter l'argent par les fenêtres et donner à ceux qui sont riches. Je voudrais dire qu'en termes de cadeaux, il n'y a pas que cela. Hein. Vous savez, par exemple, que les plus-values, on en a parlé tout à l'heure, 0% en Belgique, vous savez ça. Mais par rapport aux pays de l'OCDE, parce qu'on a toujours l'air de dire qu'en Belgique, on taxe de trop, moi, je vais vous faire la démonstration qu'on taxe pas assez. En Belgique, les plus-values, 0%. La moyenne de l'OCDE, quand il s'agit de plus-value sur la propriété, c'est 15%. Quand il s'agit de plus-value sur les actions, c'est 35%. Si vous regardez le profit des entreprises à taxation des dividendes, par les différents mécanismes, on est grosso modo à 35% en Belgique, les pays de l'OCDE sont à 42%. Et si vous regardez la question du précompte mobilier et les intérêts, on est à 30% en Belgique, vous êtes à 37% dans les pays de l'OCDE. Donc dire qu'on est trop taxé en Belgique, qu'on taxerait soi-disant trop les citoyens, qu'on taxerait soi-disant trop les entreprises, qu'on taxerait trop, c'est faux. C'est absolument faux. Si on regarde l'ensemble des paramètres, on est chaque fois en dessous de la moyenne. L'impôt des sociétés en dessous de la moyenne européenne, l'impôt des citoyens en dessous de la moyenne européenne. Et en plus, si j'ajoute à ça que les coûts sociaux, qu'on vous dit toujours trop élevés, sont inférieurs aux coûts sociaux des autres pays, vous verrez qu'en plus, on ne gère quand même pas si mal que ça les choses en Belgique, tant qu'on laissait faire les choses par des gens à peu près corrects. Bref, vous aurez évidemment compris que je n'ai aucune sympathie pour le projet, d'autant plus que ça s'aggrave, évidemment. Alors, on vous a dit qu'on allait faire une baisse de l'impôt des sociétés à 25 et à 20% pour faire rapide. On va compenser ça. Alors, on a dit trois choses. Un, on va revoir les intérêts notionnels. Ils ont commencé par nous dire qu'on va les supprimer. Maintenant, c'est déjà plus les supprimer, c'est juste qu'on va réformer. À titre d'indication, pour vous donner un ordre de grandeur, il ne faut pas donner trop de chiffres quand on parle, mais quand même, l'ensemble des revenus de l'impôt des sociétés en 2014, c'était 13 milliards. 13 milliards de recettes pour l'État. Les intérêts notionnels ont fait perte en 2012 6 milliards. Depuis que les intérêts notionnels sont instaurés en Belgique, on a dépensé plus de 30 milliards au total, plus de 30 milliards pour les intérêts nationaux. Si vous rapportez ça à tous les efforts budgétaires successifs qu'on a demandé au gouvernement, on aurait pu avoir des épures budgétaires pour lesquelles il n'y avait aucun effort à faire si on n'avait pas inventé les intérêts nationaux. Même l'inventaire des intérêts nationaux dit aujourd'hui que c'était une erreur. Qu'il fasse attention, parce qu'un jour, on va le traiter de communiste, si ça continue comme ça. Bref, on veut réformer, on vous dit qu'on va compenser en réformant les intérêts nationaux, qu'on va imposer un impôt minimum, Marco a expliqué à quelle sauce, et puis on va aussi, soi-disant, renforcer les conditions pour l'exonération sur les plus-values. Sauf que le gouvernement n'avait pas encore fini d'annoncer qu'il allait revoir l'impôt des sociétés et qu'il allait faire ça de manière neutre en compensant, que exactement dans la même semaine, la FEB a sorti un communiqué en disant « La réforme de l'impôt des sociétés par le gouvernement, excellent projet. » On aurait voulu qu'il aille plus loin, entendez plus bas, mais bon, on considère que c'est pas mal. Par contre, il faut quand même que le gouvernement sache que les intérêts nationaux, il n'est pas question d'y toucher. Revoir la taxation des dividendes, il y en a déjà trop en Belgique. Et en ce qui concerne l'impôt des sociétés, la FEB est radicalement contre. Comme vous savez qu'au gouvernement, en principe, ils écoutent beaucoup plus les gens du patronat que les citoyens, vous avez compris, évidemment, parce que la décision sur l'impôt des sociétés, on l'a déjà prise. Mais les mesures de compensation, on va seulement les prendre. Et donc, quand ça va venir sur la table du gouvernement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez entendre les ministres VLD et les ministres de NVA qui disent Vous avez entendu les entreprises, il ne faut pas toucher aux intérêts nationaux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça veut dire que ce qui aura coûté ne sera pas compensé. Et donc, messieurs, mesdames, ouvrez vos poches, parce que c'est chez vous qu'on va venir chercher l'argent, évidemment. Il faudra bien qu'on le trouve quelque part. Bref, tout ça, c'était pour la critique. Alors, en ce qui concerne, effectivement, ce qu'il faudrait faire, il y a, à mon avis, d'abord et en effet, un travail à faire au niveau européen. On l'a dit plusieurs fois autour de cette table. Et à mon avis, il y a deux choses sur lesquelles il faut travailler au niveau européen. C'est en effet la définition de l'assiette, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas, sur la définition de l'assiette, des concurrences entre les États. Et puis, l'autre question, c'est d'imposer, à mon avis, un taux minimum au niveau européen. Et moi, très clairement, je le dis, si on ne le fixe pas à 25%, ça va avoir très, très vite pas suffisamment d'effet. Après, il faudra discuter sur est-ce que c'est fait au niveau de la zone euro, est-ce que c'est fait au niveau de l'Union européenne? Bon, ça, probablement qu'il devrait y avoir des étapes, mais je pense qu'il faut d'abord travailler. Alors, la grande difficulté, c'est que quand on dit qu'il y a des choses à faire au niveau européen, je vous entends déjà dans votre tête, vous êtes tous en train de dire, oui, mais ça, on peut rêver, mais avant de changer quelque chose au niveau de l'Europe, on ne changera pas. Évidemment, si on dit toujours ça, en effet, on ne changera jamais rien au niveau de l'Europe. Or, pour changer au niveau de l'Europe, ce n'est pas très difficile, hein. Il suffit qu'il y ait un ministre qui le souhaite. Hein. Il suffit qu'au Conseil des ministres, il y ait un État qui dit « Oh, maintenant ça suffit, il faut changer les choses ». Et il va provoquer le débat, et il va obliger qu'on en discute. Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, aucun représentant d'État ne dit, quand il va à la table du Conseil des ministres européen, « Il faut changer les choses », parce qu'au fond, ils sont tous en train de se dire « Celui-là, je vais le niquer, je vais encore diminuer 2% chez moi, et c'est mon État qui va gagner ». Donc, il y a un travail... Excusez-moi. Il y a un travail à faire au niveau européen. Il y a aussi un travail à faire au niveau belge. Par exemple, en effet... merci, mais je vais le manger après, parce que sinon, ça ne fera pas sérieux. C'est gentil, merci beaucoup. Il y a effectivement... par exemple, vous avez entendu cet excess profit ruling sur lequel l'État, normalement, en Belge, était censé devoir récupérer de l'argent auprès d'entreprises qui ont reçu de l'argent qui n'auraient pas dû le recevoir. Ça, c'est pas difficile. Hein. Il suffit que l'État belge dise, effectivement, pour une fois, l'Europe nous a tapé sur les doigts, donc on va récupérer cet argent. Or, qu'est-ce qu'il fait le ministre? Il dit, non, on va pas le récupérer. Et même, je vais essayer de vous aider, de trouver les moyens pour que vous ne deviez pas le payer. Donc, il faudrait déjà commencer par ça. 750 millions, c'est quand même pas n'importe... C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est quand même une somme assez croquignolesque. Deux, effectivement, Marie-Hélène l'a rappelé, nous étions les fers de lance de la taxe Tobin. La Belgique défendait à tous les craintes, à tous les niveaux, partout où elle allait, la taxe Tobin. Le gouvernement actuel a complètement changé, a viré à 180 degrés. C'est maintenant devenu le premier État qui dit non, on ne fera pas de taxe Tobin. Je trouve que ça n'est évidemment pas très sérieux. Il faudrait en arriver aussi à avoir un discours clair de la part de la Belgique. Quand il va, je reviens au niveau européen, mais c'est, je l'ai mis dans le chef de ce que l'État doit faire, parce que c'est de lui que ça doit partir. Il faut évidemment, quand il va à la table européenne, discuter de la cuisine, des recettes de cuisine en matière de fiscale. Parce qu'on vous parle des grands principes ici, parce qu'on sera capable de vous parler d'autre chose, on n'est pas assez doué pour ça. Mais vous savez que dans la cuisine européenne, il y a des tas de petits règlements qui se tricotent les uns après les autres. Il faut, à un moment donné, être cohérent. Si on dit il faut avoir une justice fiscale en Europe, il faut que chaque fois qu'on traite d'un règlement, quel qu'il soit au niveau européen en matière fiscale, on ait la même attitude et qu'on n'aille pas effectivement par des petits changements, des petites modifications à gauche, à droite, faire en sorte que ce qu'on a éventuellement défendu d'un côté, on va le reperdre de l'autre côté. Donc il faut avoir une politique cohérente. Et puis je le redis, je terminerai par là, il faut avoir une vue globale sur la fiscalité d'un État si on veut sérieusement discuter de la question. Et il n'est effectivement pas normal que l'on dise d'un côté on va baisser l'impôt des sociétés, alors que de l'autre côté on vous dise il y aura la taxe chiffre, bienvenue au club, vous aurez 25 euros, 30 euros en plus à partir du mois de janvier. Mais on oublie qu'on vous a mis un saut d'index, qu'on a augmenté la TVA sur l'électricité, qu'on a augmenté les accises sur les alcools, qu'on envisage d'augmenter encore d'autres accises. Et donc, tranquillisez-vous, les 25 euros que vous aurez en plus, ou les 30 ou 40 si vous avez de la chance, à partir du mois de janvier, ils sont déjà bouffés avant de commencer. Il ne faut pas vous faire d'illusions là-dessus. Et donc, à titre d'exemple, je termine, c'est vraiment le dernier exemple que je donne. J'ai dit il n'y a pas très longtemps, un jour, que la fameuse taxe des 0,15% sur les portefeuilles titres, c'était de la foutaise. Le lendemain, il y a évidemment un ministre qui s'est empressé de dire que Vertenin ne savait pas de quoi il parlait, qu'il était complètement fou, que 254 millions, parce que c'est le montant qu'ils ont mis dans le budget, c'est quand même pas une somme dérisoire. Je suis assez d'accord avec lui, 254 millions, ça n'est pas dérisoire. Ce qui, par contre, est dérisoire, c'est que 0,15% sur 700, sur 500 000, pour ceux qui ne font pas les calculs rapidement, ça fait 500 euros. 750 euros, pardon. 750 euros par an de taxes pour quelqu'un qui a 500 000 sur son compte. On ne peut pas vraiment dire qu'il ait fait un effort surhumain. Mais en même temps, j'avais exprimé que tout ça n'allait servir à rien parce que probablement que les gens allaient diviser leur compte. Ils s'arrangeraient pour ne pas arriver aux 500 000. Je n'avais pas fini de le dire que le lendemain, Fébel Fin, vous savez, ce machin qui défend les intérêts banquiers, a sorti en disant nous allons conseiller à nos banques de conseiller à leurs clients de dire qu'il faut diviser vos portefeuilles pour que vous ne soyez pas à 500 000. Et comme le même jour, hein, le soir, au journal télévisé, Marie-Hélène l'a rappelé tantôt, le Premier ministre disait je m'engage à ce qu'il n'y ait jamais de cadastre des fortunes en Belgique. Vous avez compris que les 254 millions, ceux-là aussi, ils ne vont pas être pris. Donc vous ajoutez une réforme de l'ISOC qui ne sera absolument pas compensée. Et ce n'est pas Vertenin qui vous le dit. Ce n'est pas Marie-Hélène Ska. Et ce n'est pas non plus nos économistes qui sont présents aujourd'hui, soit qui vous le disent. C'est le Conseil supérieur des finances. C'est-à-dire l'organisme de l'État qui est censé surveiller l'évolution des finances de l'État et qui a dit déjà en 2014, et qui vient de le redire en actualisant ses calculs, que les mesures de compensation qui sont envisagées par l'État, par le gouvernement, pour compenser la baisse de l'ISOC, ne suffiront pas à compenser les choses. C'est pas les socialistes, c'est les communistes de la FGTB qui vous le disent. Hein. C'est des types bien établis au Conseil supérieur des finances qui l'ont dit. Donc l'ISOC ne sera pas compensé. La taxe chiffre ne sera pas compensée. Les mesures qu'on envisage pour aller chercher de l'argent ne seront pas compensées. Celles qui devaient, taxer effectivement les transactions, on a vu, on a même carrément supprimé la ligne dans le budget parce qu'on s'est rendu compte que ça ne rapportait pas un franc. Eh bien, tout ça, c'est de l'argent qui va manquer à l'État. Et De Croo a dit ce qu'il fallait dire. Il a dit textuellement, nous allons diminuer les impôts tout de suite. Ça va avoir la faculté de nous placer dos au mur, ce qui va nous obliger à faire des économies dans le fonctionnement de l'État. Tout est dit. J'espère que tout n'est pas dit. Merci. Merci à tous les quatre. Mais je vais aller vers la salle maintenant. Si vous avez des questions, des interventions, on peut en prendre quelques-unes. Si ce débat vous fait réagir, on a vu qu'il était difficile en fait de parler d'impôt sur le bénéfice des sociétés sans parler de l'impôt en général, hein, de la politique fiscale, qu'il était difficile de parler de l'impôt aujourd'hui en Belgique sans parler de la concurrence fiscale et de l'impôt au niveau européen. Et de ce que ça implique. Donc voilà, je vous donne la parole si vous avez des observations. Il y a la question donc pour Marie-Hélène et Robert de quid de la défense d'un serpent social européen. Je pense qu'on touche à la question des cotisations sociales, évidemment. Il y a la question sur la loi d'élus, d'amnistie fiscale. Et puis alors, les questions un peu plus techniques, c'est vrai, mais extrêmement importantes, qui touchent à la question de qu'est-ce que c'est le bénéfice des sociétés, et surtout, et je pense que là, tu as mis le doigt sur la boîte noire dont on n'arrive jamais à parler, cette question des prix de transfert, puisque si elles ne font pas de bénéfices en Belgique, elles ne paieront jamais d'impôts sur les bénéfices, et pour le moment, il est vrai que c'est ce qu'on retrouve souvent dans la question de comptabilité, en tout cas des grandes multinationales, c'est de voir c'est quoi leurs bénéfices, en fait, aujourd'hui. Donc voilà, je vous donne d'abord la parole. Je vais commencer par ma droite. Peut-être d'abord une remarque. Moi, je n'ai pas de problème à entrer dans la technique, mais c'est toujours un peu délicat parce qu'en fiscalité, souvent, on se retranche derrière la technique pour éviter les débats de fond. Donc, on peut faire le débat à plusieurs niveaux. Il y a quand même une remarque que je voulais faire. C'est sur le fait que la Belgique est quand même championne tous azimuts des conseils consultatifs, de la concertation dans tous les sens, sauf sur un sujet qui est la fiscalité. Il n'y a aucun lieu démocratique où on discute de la fiscalité. Il y a des couloirs lambrisés avec une moquette épaisse où on discute beaucoup de fiscalité, de prix de transfert, de DLU, de niches fiscales, etc. Mais il n'y a pas de débat. Vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas de conseil consultatif. Il n'y a pas d'organe particulier où on discute de la fiscalité. Donc sur les bases du fondement de l'État, sur les bases de ce que l'on veut mettre en commun, il n'y a pas de lieu de débat. Je trouve que c'est quand même une remarque et une préoccupation importante aujourd'hui sur ces questions-là. Pour répondre maintenant concrètement aux questions, sur le serpent social européen, il faut voir ce qu'on appelle un serpent social européen. Parce que qu'est-ce que c'est un serpent social ? Soit c'est effectivement sur les cotisations de sécurité sociale. Et alors là, moi, je n'ai pas de difficulté à ce qu'on évoque un serpent social européen. On est plutôt au niveau syndical européen, sur les questions des droits sociaux, et moins sur les questions de la manière de le financer. Parce qu'effectivement, très vite dans les cotisations, quand on commence la discussion sur les cotisations de sécurité sociale, on est sur la part patronale, la part personnelle, etc., alors que c'est l'ensemble qui doit être regardé, nous semble-t-il, et donc de voir qu'est-ce qui pèse finalement sur le travail et qu'est-ce qui pèse sur les autres revenus. Donc moi, l'idée d'un serpent social européen, on peut mettre beaucoup de symboles derrière tout ça, mais je pense qu'il faut être un peu concret sur ce que l'on veut. Je partage le fait que le budget de la sécurité sociale, c'est effectivement pas que de l'argent public, même si aujourd'hui la sécurité sociale en Belgique, elle est surtout organisée et structurée quand même par des structures publiques. C'est pas le cas partout. Vous avez des systèmes de protection sociale dans d'autres pays qui sont purement privés. Et donc je veux bien que la gestion soit différente, encore que, il y a des commissaires du gouvernement, il y a maintenant une nouvelle loi sur le financement de la Sécu, etc., mais ça nous éloignerait un peu du débat ici. Et puis alors, je me permets quand même de dire deux, trois choses sur les autres questions, même si elles ne me sont pas adressées directement. Par rapport à la DLU, c'est quand même un scandale incroyable. C'est un droit permanent de frauder. Je n'ai pas l'appeler autrement. À partir du moment où vous faites une amnistie fiscale, que vous en faites une deuxième, que vous en faites une troisième, le message que vous envoyez, c'est continuer et de toute manière, le moment venu, vous rapatrierez vos capitaux en toute impunité. Je le redis, lorsque une personne qui est aujourd'hui privée d'emploi et qui reçoit 1 000 euros par mois, ce qui est déjà beaucoup comme allocation de chômage, perçoit 10 euros de trop et que l'ONEM fait un contrôle, nous sommes sommés d'aller réclamer les 10 euros à la personne. 1 an, 2 ans, 3 ans après. Aujourd'hui, vous avez de l'argent planqué à l'étranger, pas de problème, tout va bien. Et aujourd'hui, ça va même plus loin, puisque vous avez vu pendant l'été, dans un silence assourdissant, les montants de montage qui sont dans des paradis fiscaux, 224 milliards d'euros, qui sont planqués en toute légalité, nous rétorque-t-on, dans des paradis fiscaux. Et donc, on a atteint le summum de l'absurde et des montants qui ne veulent plus rien dire. Robert signalait tout à l'heure les montants que doit ramener normalement la taxe sur les plus-values, enfin, pas la taxe sur les plus-values, sur les comptes titres de plus de 500 000 euros, quelques centaines de millions d'euros, 200 et des. Ici, on est à 224 milliards planqués en toute légalité et on ne bouge pas. Et donc, il y a des vrais tabous sur les questions fiscalité, il y a des vrais tabous sur ces questions d'argent. Est-ce que si on taxait moins les entreprises, elles pourraient plus investir? Je partage le raisonnement. On peut le démonter dans tous les sens. J'aimerais simplement attirer votre attention sur un élément. Qui détient aujourd'hui les entreprises? On n'est plus dans beaucoup de cas, sauf dans le cas de PME et encore. On n'est plus dans le cas de John Cockerill qui mettait son argent, sa fortune personnelle, ou Boel, ou je ne sais pas, quelques autres célèbres qui mettaient leur fortune, qui construisaient une entreprise, qui construisaient des logements tout autour, enfin la vision très paternaliste du capitalisme industriel de ses débuts. Aujourd'hui, on est dans de la rétribution d'actionnaires, et donc dans le versement dividende. Et donc la question de fond là-dessus, c'est qui possède les entreprises et qui rétribue-t-on ? On ne rétribue pas nécessairement le fait de dire « vous allez contribuer moins, mais vous allez pouvoir investir plus », puisqu'il n'y a aucune norme aujourd'hui en matière de distribution de dividendes. Je prends simplement un exemple. Nous avons en Belgique une loi que nous n'aimons pas beaucoup, qui s'appelle une loi sur la norme salariale, c'est-à-dire sur l'évolution des salaires. Les entreprises réclament à corps et à cri aujourd'hui une norme énergétique, c'est-à-dire un plafonnement du prix de l'énergie, sur les dividendes et sur l'affectation des bénéfices. Surtout pas de norme liberté totale. Et donc on est dans le deux poids, deux mesures complet. Sur les prix de transfert, je vais laisser aux spécialistes économistes la réponse sur le fond sur les prix de transfert, mais on a quand même une difficulté majeure là-dessus, c'est de localiser à un moment donné la base taxable. Et donc ça a été dit tout à l'heure, on pourrait faire des efforts déjà au moins au niveau européen et au moins au niveau de la zone euro. Mais pour ça, il faut qu'on arrête le shopping où on peut avoir un siège social quelque part, une boîte aux lettres à un autre endroit, un siège de production à un troisième et rapatrier les bénéfices à un quatrième endroit. Et donc ça, c'est vraiment le problème aujourd'hui. C'est que si vous faites ça juste en Belgique et qu'on se disait « Tiens, on va commencer à discuter des prix de transfert », demain, vous ouvrez trois boîtes de plus au Liechtenstein ou aux îles Caïmans ou ailleurs et... vous n'avez rien fait du tout, si ce n'est beaucoup de gesticulation. Donc ce sont des débats extrêmement importants qui ont une composante technique forte, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être dans autre chose que de l'incantation si on veut travailler sur des notions comme les prix de transfert ou sur la base taxable réelle des entreprises. Moi, je réagirais sur deux choses seulement, sur le serpent social européen, quoique quand on parle de social, parler de serpent, ça se fait un peu négatif, donc il faudrait qu'on trouve un autre terme, mais on est d'accord sur l'idée. On n'en a pas parlé parce que c'était pas le sujet de ce soir, mais effectivement, on pourrait parler de la question sociale en Europe, et je suis tout à fait d'accord avec ce que Marie-Hélène dit. Je pense qu'il y a deux niveaux. Je pense que ce qui peut être défini au niveau européen, c'est la question des socles minimums en termes de couverture sociale. Ça, je pense que ça peut en effet être défini au niveau européen. En principe, il devrait y avoir une occasion rêvée qui se présente dans un mois, puisqu'il y aura, vous l'avez peut-être entendu parler, les 16 et 17 novembre, un sommet social européen à Göteborg, et on est censé devoir adopter là le socle social européen. Mais bon, je crains que ce qui sort de là ne soit pas tout à fait ce que nous espérons, en tout cas de ce côté-ci de la table. Mais donc, il y a effectivement une définition à faire au niveau de l'Europe sur ce qu'est la couverture minimum sociale qui devrait être obtenue. On serait d'ailleurs bien inspiré de le faire parce qu'on a bien fait, lorsqu'on a agrandi l'Europe, des critères de convergence économique, des critères de convergence budgétaire. Pourquoi on n'aurait pas fait effectivement des critères de convergence sociale? On aurait pu le faire et en tout cas, moi, je suis assez partisan. Sur la question maintenant... du financement, les choses sont un peu différentes. Encore que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut pas s'y atteler. Mais aujourd'hui, les mécanismes de financement de la sécurité sociale ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. En Belgique, on les a fait reposer sur a priori, au départ, le modèle ne reposait pas sur un financement public. Il reposait sur un financement par les revenus du travail, c'est-à-dire un prélèvement sur les revenus du travailleur même, et une part de la masse salariale que l'employeur ne donnait pas à son travailleur parce qu'il les virait dans la caisse qui est censée financer la sécurité sociale. Et puis c'est au fil de l'histoire que finalement il y a eu un financement public qui s'est mêlé de la chose. Mais aujourd'hui on est quand même encore, malgré cette déconfiture, on est quand même encore à 70% un peu plus de 70% du financement de la sécurité sociale qui vient des cotisations. Donc la majorité du budget est quand même encore prélevée au départ des salaires du travail. Et là, il faudra bien un jour qu'on ait en effet une discussion. C'est peut-être là qu'il y a une réflexion à mener quand même au niveau européen. Il faudra bien qu'on ait un jour une discussion sur la manière dont on peut assurer le financement futur de la sécurité sociale, sachant que quand on a créé le système de financement sur base des prélèvements sur les revenus du travail, on l'a créé à une époque où les revenus du travail représentaient dans l'ensemble des revenus produits en Belgique plus de 60%. Aujourd'hui, les revenus du travail représentent moins de 50% de l'ensemble des revenus créés. Donc si on fait tout reposer sur les revenus du travail, ben, ce n'est pas difficile. Il ne faut pas être un grand mathématicien pour comprendre qu'il va falloir un petit peu de nouveau, si on veut vraiment donner les moyens à la sécurité sociale, on risque de devoir solliciter encore un peu plus les revenus du travail. Donc il faut probablement chercher une solution dans le financement par d'autres types de revenus qui devraient être sollicités. Et alors, évidemment, vous avez des idées du type cotisation sociale généralisée ou des choses comme ça. Bon, il faut creuser tout ça. Et là, il y a peut-être effectivement une réflexion sur ce volet-là qui pourrait se faire au niveau européen. Et donc, on pourrait peut-être à partir, je le dis sous forme de réflexion aujourd'hui et pas sous forme de position définitive, mais il y a probablement là un champ de discussion et d'investigation à creuser. L'autre élément sur lequel je voulais réagir, c'est sur les investissements des entreprises. Ben, on peut faire toutes les théories, mais de temps en temps, il faut s'en référer aux faits. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises voient leurs bénéfices augmenter de manière considérable. La distribution des dividendes a augmenté de manière absolument astronomique depuis 2014, alors que les investissements à long terme pour les entreprises diminuent dans les faits. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas parce qu'ils font plus de bénéfices qu'ils font plus d'investissements. Ça n'est pas lié. Il y a d'ailleurs, je parle sur le contrôle de Marco Vanes, qui est beaucoup plus spécialiste que moi, mais il y a un énorme... Vous savez que quand on a inventé l'intérêt national, c'était soi-disant pour encourager l'investissement sur fonds propres. Sauf qu'en fait, il y a une énorme supercherie au départ. Comment est-ce qu'on nous l'a vendu? On nous a dit, c'est quand même pas normal qu'une entreprise qui emprunte pour faire un investissement peut déduire les intérêts de son emprunt fiscalement. Alors que l'entreprise qui le fait sur ses fonds propres, lui, il ne peut pas le faire. Jusque-là, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que le raisonnement est juste. Mais c'est pas, on n'a pas dit à l'entreprise, quand vous aurez investi 100 sur fonds propres, on va vous défalquer des intérêts fictifs sur les 100 que vous auriez dû normalement emprunter dans une banque. C'est pas ça qu'on lui a dit. On lui a dit, on va te déduire un intérêt fiscal sur de l'argent que tu auras dans tes fonds, que tu investisses ou que tu n'investisses pas d'ailleurs. Donc c'est une énorme supercherie. On vous l'a vendu comme soi-disant un encouragement à l'investissement sur fonds propres des entreprises, alors que c'est tout l'inverse en réalité qu'on a fait, parce qu'en faisant comme ça, on a poussé les entreprises à garder des fonds propres pour pouvoir déduire les intérêts notionnels. Et en réalité, je disais toujours sous forme de boutoir, de boutade, au fond, l'entreprise qui aurait été maligne, elle aurait gardé tout son argent pour pouvoir déduire ses intérêts notionnels, et elle aurait emprunt un maximum pour pouvoir en plus déduire les intérêts sur ses emprunts. Enfin, ça, c'était pour la boutade. Donc, il y a, selon moi, en effet, pas de lien, et les faits le prouvent, entre le fait qu'agrandir les bénéfices pourrait booster l'investissement. Rien ne le prouve pour l'instant dans la manière dont ils pratiquent. Même si sur le plan théorique, on pourrait imaginer qu'en effet, ce soit juste comme raisonnement, mais ils ne le font pas. Merci. Vincent, tu voulais aussi répondre, je pense, à toutes les questions. Donc, je t'en prie. Il y a des parallèles assez intéressants à faire. Deux, trois choses sur le serpent social, parce qu'on se pose évidemment la même question. Alors, deux, trois choses, et sans avoir le temps de développer un regard d'ensemble, mais par exemple, sur les ressources sociales, on a à peu près, nous, le même débat en France, puisqu'on a des cotisations sociales, même si on a la fameuse contribution sociale généralisée qui touche aussi les revenus du capital. Et d'ailleurs, la part du revenu du capital représente 10 milliards d'euros. Mais effectivement, on a des organisations syndicales, y compris patronales, qui gèrent le système de sécurité sociale, même s'ils ont perdu la main de longue date sur le niveau des ressources. Mais bon, nos pays par rapport au Danemark, par exemple, c'est tout à fait différent, puisque le Danemark, c'est financé par l'impôt. Donc les constructions historiques, sociales, économiques font que les systèmes de sécurité sociale sont différents. En Allemagne, les retraites complémentaires, c'est les accords de branche. Donc on a des différences. Alors c'est difficile de dire demain, il va y avoir un modèle unique, même s'il faut faire attention, c'est qu'on essaie de nous l'imposer progressivement, ce modèle unique, qui est le modèle de la marchandisation d'une grande partie de la sécu, au passage. Hein. Parce que je vois en France, par exemple, la part des complémentaires, avant c'était les mutuelles, maintenant c'est les mutuelles et les compagnies d'assurance, grignotent de plus en plus sur les ressources sociales, au fur et à mesure que les gouvernements successifs disent on va alléger le coût du travail, c'est-à-dire baisser les cotisations à la part patronale. Évidemment, il y a un manque de ressources compte tenu de nos besoins, liés notamment à notre démographie. Eh ben, il faut aller financer le reliquat ailleurs, et ce reliquat s'accroît au profit des compagnies privées. Donc effectivement, il y a la question des droits sociaux se pose, je partage ce qui a été dit. Alors, en ajoutant aussi, il y a déjà des réflexions sur le salaire minimum qu'on peut exprimer en parité de pouvoir d'achat compte tenu des différences d'économie. Enfin, voilà, il y a des sujets qui sont déjà dont les organisations syndicales se sont emparées. Et effectivement, il faut avoir pour but la couverture, j'allais dire, de manière la couverture la plus solidaire qui soit, quoi. Et puis à la limite, les structures de financement, l'impôt, les cotisations, ça appartient aussi à l'histoire des États. Je doute qu'au Danemark, ils veuillent par exemple une sécu à la française, et je suis à peu près sûr qu'en France, on ne veut pas forcément une sécu à la danoise, même si in fine, les deux systèmes sont relativement efficaces en termes de couverture sociale et de réduction des inégalités. Il faut l'aborder comme ça. Sur le financement des entreprises, nous, c'est quelque chose qu'on a regardé de près, puisque le discours du gouvernement en France, c'est de dire en baissant l'impôt sur les sociétés, ça va les aider. Bon, première réponse qu'on peut faire, c'est qu'avant la crise, entre 1998 et 2007, des études ont été menées. C'est que les distributions de dividendes avaient augmenté de 155% et l'investissement avait reculé de 23%. Bon. Donc le taux de l'impôt sur les sociétés qui était plus élevé à ce moment-là n'avait pas empêché la distribution de dividendes. Et la distribution de dividendes, par contre, avait plombé l'investissement. Et au stade des particuliers, on nous dit la même chose, puisqu'on va alléger la position sur le capital financier. Ça permettra aux particuliers d'investir et d'apporter de l'argent frais. C'est le discours qui nous est tenu. Simplement, quand on regarde les données, là aussi statistiques, c'est qu'en réalité, 99% des achats d'actions se font sur le marché secondaire, c'est-à-dire c'est des rachats d'actions qui préexistaient. C'est-à-dire que l'entreprise, pour elle, ce n'est pas des flux financiers nouveaux. C'est simplement des transactions entre particuliers. À un moment donné, un particulier réalise une plus-value ou éventuellement une moins-value, cède à un autre particulier qui reprend l'action. Il n'y a pas d'émission d'action nouvelle, par exemple. Donc ça veut dire que l'incidence nette est marginale sur le financement de l'entreprise, l'incidence nette des mesures qui ont été prises. Sur la DLU, moi, on s'est beaucoup intéressé aux amnisties fiscales et aux mécanismes dérogatoires, même si le champion, ça a quand même été Berlusconi en Italie. Enfin, il se faisait son droit pour lui, c'est pour la boutade, mais c'est aussi une réalité. En France, il y a eu une certaine pression sociale et politique contre l'amnistie fiscale. Alors, on a eu deux dispositifs, je le fais très rapidement, la cellule dite Wörth à l'époque, mais qui était totalement opaque, c'est-à-dire que les gens arrivaient, disaient « bon, ben, je régularise ma situation », on ne savait pas tout à fait comment ça se faisait. Et le gouvernement précédent avait créé un service spécialisé qui travaillait de la manière suivante. Il calculait vraiment les impôts dus, il appliquait des pénalités, mais les pénalités étaient moins importantes. Il y avait deux niveaux de pénalités. Soit c'était des fraudeurs qu'on appelait passifs, des gens qui avaient hérité de comptes en Suisse, qui venaient régulariser leur situation. Donc la pénalité passait de 40 à 15%. Puis 35 sur les derniers mois. Soit c'était les fraudeurs actifs qui avaient eux-mêmes joué avec les comptes, etc. Et à ce moment-là, les pénalités étaient plus importantes. Ce service prend fin. Alors le gouvernement nous dit, et c'est intéressant parce que c'est aussi un débat européen, cette affaire-là, on dit ben, grâce à l'échange automatique d'informations qui s'est mis en place le 30 septembre dernier, bon, on arrête les régularisations. Maintenant, le contrôle fiscal, ça va y aller dur. Bon, nous, on supprime les emplois de l'administration fiscale. Hein. On a perdu 3000 emplois sur le seul secteur du contrôle fiscal. On en a perdu 37 000 sur l'ensemble de l'administration fiscale depuis 2002. Donc, c'est quand même assez intéressant à noter qu'il n'y a évidemment pas de volonté politique. Et on nous dit, mais le contrôle fiscal va s'appliquer dans toute sa splendeur. Mais discrètement, et là, il faut travailler aussi à ça, parce que c'est la philosophie même du contrôle fiscal qui est en question. Emmanuel Macron dit qu'il faut qu'on regarde le droit à l'erreur. Il y a des gens qui se trompent, ils peuvent... c'est pas la peine d'appliquer le droit dans toute sa rigueur, etc. Et le droit à l'erreur existe déjà d'une certaine manière. C'est que quand vous faites un contrôle fiscal en France, lorsqu'une entreprise en cours de contrôle dit « bon, ben, ok, j'ai compris, je vais me faire taper dessus », je dépose une déclaration de régularisation, les intérêts de retard qui sont calculés mois par mois sont diminués de 40%. Ce mécanisme-là, j'allais dire qu'il est relativement limité. il va être largement amplifié, mais on ne sait pas encore comment. Parce que notre administration fiscale ne veut pas aller trop loin, le président de la République veut aller beaucoup plus loin, donc il y a des discussions en ce moment. Mais ça veut dire quoi ? C'est qu'on risque d'aller vers un système qui existe un peu ici, peut-être moins poussé, de dispositifs permanents qui permettraient finalement d'avoir une application du droit beaucoup plus light. Voilà. Je le dis aussi parce que c'est aussi toujours dans l'air du temps. Les États ont mené aussi, ont fait des choix de ne pas trop taper sur le contrôle fiscal, de passer par des mécanismes dérogatoires. Et je rappelle juste que la fraude fiscale au niveau de l'Union européenne, c'est 1 000 milliards d'euros. C'est la Commission européenne qui le dit. 60 à 80 en France. Je ne sais pas en Belgique, mais enfin, ça représente un manque à gagner considérable que vous payez, hein, d'une certaine manière, hein, parce qu'il faut bien le récupérer ailleurs ou sacrifier les services publics. Et enfin, sur les prix de transfert, c'est un sujet passionnant. Donc j'illustre très vite pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Les prix de transfert, c'est quoi ? C'est des transactions à l'intérieur d'un même groupe, des ventes de biens ou de services. Donc on a le droit de se vendre entre deux filets d'un même groupe des biens ou des services, à condition que ça soit aux conditions normales du marché. Parce que si un bien, on va faire très simple, vaut 100 euros, je suis en France et j'achète un bien 100 euros en Belgique et que sur les conditions, aux conditions normales du marché, c'est 100, très bien. Mais je suis en France et je l'achète 120 en Belgique. Alors vous me direz, vous n'êtes pas assez intéressant fiscalement. On va prendre un autre exemple. En Irlande. Et ça veut dire que je vais déduire 120 au lieu de 100 du bénéfice imposable en France. Donc je vais diminuer mon impôt sur les sociétés en France. Et les 120 vont être des profits en Irlande. Mais comme ils sont imposés qu'à 12,5, comme on raisonne au stade du groupe, la charge fiscale est moindre que si c'était facturé 100. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a des manipulations de prix de transfert. Alors évidemment, ce schéma-là est très simple. Il est décliné de manière très complexe, à tel point que, je ne sais pas, vous savez quel est le premier pays exportateur de bananes au monde ? Jersey. Bon, alors à Jersey, il n'y a pas trop de bananes, mais il y a simplement une centrale d'achat qui achète des bananes dans les pays producteurs, qui les revend dans les pays là où c'est consommé, qui se dégage une marge évidemment impressionnante, donc imposable pour pas grand-chose à Jersey. Et ces mécanismes se développent. Mais alors, prennent de multiples formes. Il y a les transactions sur les biens et les services, mais il y a aussi donc ce qui sont extrêmement compliqués partout dans le monde à contrôler, puisqu'il faut trouver des termes de comparaison. Puis si possible, il faut trouver des termes de comparaison qui ne soient pas eux-mêmes fraudés, parce que sinon, vous avez les mêmes termes de comparaison, vous ne faites pas votre redressement. Donc l'OCDE, il y a plusieurs mécanismes, hein, le taux de marge, etc. J'en passe pour essayer de déterminer ça. Mais c'est colossal, les prix de transfert, c'est la moitié du commerce mondial. Voilà. Donc, alors tous ne sont pas manipulés, hein, mais vous imaginez que la manipulation d'une minorité de ces prix de transfert déstabilise l'économie mondiale. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Donc il y a un enjeu évidemment colossal. Et ça s'est aggravé dans la situation, dans la période récente, avec notamment l'essor du numérique, mais aussi toute la propriété intellectuelle, la façon dont les transferts de bénéfices ont été logés, parfois légalement, ça c'est le droit fiscal qui est coupable dans ce cas-là, mais parfois tout à fait illégalement dans les paradis fiscaux. Vous avez entendu parler du double sandwich irlandais, etc. Mais là encore un schéma très simple. C'est quelque chose qu'on rencontre en France, mais qu'on peut rencontrer ailleurs parce qu'il y a des incitations à la recherche et développement partout. Et j'en conclurai là. Il y a un crédit d'impôt recherche en France qui est un petit paradis fiscal, hein, il faut le savoir, hein. Concrètement, ça veut dire quoi ? Vous faites des dépenses de recherche, on applique un taux et vous avez un crédit d'impôt qu'on vous rembourse ou que vous pouvez défalquer de votre impôt sur les sociétés. Les sociétés françaises optimisent ça parce que c'est plafonné au niveau d'une entreprise, mais les groupes, au niveau du groupe, c'est pas plafonné. Donc ils agrègent tous les crédits d'impôt recherche de leur filiale. Ce goinfre du crédit d'impôt recherche, on va le dire vulgairement, mais ça coûte 5 à 6 milliards d'euros par an quand même au budget français. Et ensuite, cède le brevet à une société établie dans un paradis fiscal et verse une redevance. Donc c'est double peine. On donne le crédit d'impôt recherche et on déduit la redevance. Et souvent, la redevance, elle est calculée simplement pour pas qu'il y ait d'impôt sur les sociétés en France. Et nous, quand on arrive, on dit « mais la redevance, c'est excessif ben, ». Trouver un terme de comparaison sur la propriété intellectuelle, c'est évidemment excessivement dur. Donc, vous voyez, on a laissé faire ça. Et c'est vrai que si on avait une assiette commune, mais consolidée au niveau de l'impôt sur les sociétés, au moins au niveau de la zone euro, ça neutraliserait au moins au niveau de la zone euro ce jeu-là. Donc c'est un enjeu colossal parce que ça a été calculé. Ça provoque un élargissement mécanique de la base imposable puisque ces jeux-là peuvent perdurer au-delà de la zone euro ou de l'Union européenne. Hein, évidemment, c'est mécanique. Mais plus on élargit la sphère, la zone géographique en termes d'harmonisation, plus on neutralise à l'intérieur de cette zone géographique ces jeux-là. Et ça provoque une hausse mécanique de la base imposable. En France, c'est une hausse de 8%. Bon, hausse de 8%, ça veut dire que mécaniquement, on augmente le produit de l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire qu'on réduit les déficits, qu'on peut financer les services publics, etc. Et c'est le même enjeu partout. Ça, c'est la volonté politique qui va le commander. Alors si en plus on avait un taux minimum, alors là, on pourrait commencer à y voir plus clair. Je laisse répondre et puis... Oui, donc il y avait une question sur la DLU. Ben, la DLU, c'est un scandale fiscal, mais qui va avec d'autres scandales fiscaux, parce que je pense qu'on peut vraiment avoir l'image d'une cascade avec chaque fois un barrage fiscal qui fait que les riches et les grandes sociétés payent moins d'impôts à chaque barrage. Et je vais vous en citer sept, hein, si j'ai le temps de rapidement vous citer ces sept barrages. Le premier barrage, j'en ai parlé, c'est toutes les niches fiscales, toutes les déductions dont Vincent vient encore de parler pour la France, mais qui existent en Belgique. Hein, par exemple, les déductions pour brevets, ça existe aussi. C'est d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qui écrit les lois fiscales. Parce que, par exemple, la déduction pour revenu de brevet, c'est déjà pas les députés, ça c'est rare que les députés écrivent des lois, en tout cas des lois sont votées, mais c'est même pas le ministre, c'est directement les intéressés qui écrivent les lois. Donc la déduction pour brevet, c'est le bureau d'avocats des firmes pharmaceutiques présentes en Belgique qui ont rédigé la loi. Et quand je dis rédiger, c'est vraiment taper le texte. Hein. C'est vrai pour les intérêts notionnels, c'est la FEB qui l'avait fait. Pour les excess profit ruling dont Robert avait parlé tout à l'heure, là c'est un des Big Four qui a écrit la loi. Donc voilà, c'est vraiment toujours les intéressés, le monde du capital qui écrit les lois fiscales en Belgique. C'est incroyable. Donc c'est les niches fiscales, ça c'est le premier barrage, hein, barrage important. Puis le deuxième barrage, c'est tous les montages fiscaux qui vont utiliser la législation, mais qui essaient d'aller encore un peu plus loin. Par exemple, les prix de transfert. Hein, Vincent a expliqué de quoi il s'agissait. À propos des prix de transfert, ben oui, j'en profite pour répondre à la question sur la manière dont le PTB fait ses classements. Ben nous, on prend le bénéfice. Le taux d'imposition, c'est simplement impôt par rapport à bénéfice de la société, aussi simplement que ça. Et normalement, s'il n'y a pas de niche, ce serait comme ça que l'impôt des sociétés serait appliqué. Hein. Et donc les prix de transfert, ça veut dire que c'est des cadeaux. Enfin, pas des cadeaux. Si on comptait les prix de transfert, ce serait encore moins que le taux d'imposition serait encore plus bas. Petite anecdote quand même à propos des taux de transfert. C'est un des grands spécialistes en Belgique, c'était Caterpillar. Caterpillar qui avait créé une société en Suisse, et l'usine de Gosselies avait cédé toute la production, tout l'immobilier, enfin tout appartenait à la société en Suisse. L'usine en Belgique ne faisait que produire un peu, était sous-traitant en quelque sorte de l'usine, mais évidemment c'était en Suisse, mais c'était qu'un jeu d'écriture évidemment. Et donc quand il y a eu la fermeture, on a demandé au gouvernement, à la Chambre, on a demandé au Premier ministre de faire une enquête sur les prix de transfert, les manipulations de prix de transfert. Moi, je voulais aussi savoir si la cellule prix de transfert qui existe au ministère des Finances, mais qui est très peu importante, avait travaillé. Et alors, le Premier ministre, dans le show de l'événement, dit « Ok, je vais commander cette étude ». Et donc, quelques mois plus tard, je pose une question parlementaire pour savoir, quels sont les résultats de l'étude, est-ce qu'elle a été menée, etc. Et donc, il me répond, oui, l'étude a été menée, mais nous avons consulté nos juristes et nous ne pouvons pas donner les résultats de l'étude. Voilà, donc il y a une étude, on ne sait pas si elle était faite ou pas, évidemment, mais voilà, qui traîne dans un tiroir quelque part. Et donc, il a commandé l'étude. Vous voyez à quel point on pousse le bouchon. Donc, voilà. Les montages fiscaux, c'est le deuxième barrage. Puis il y a le troisième barrage, c'est les rulings. Le ruling, c'est ce qui a fait le scandale LuxLeaks au Luxembourg, mais ça existe dans bien d'autres pays. Hein. En France, il y a aussi les rescrits, hein, on appelle ça en France. Et donc les rulings, c'est simple. Une multinationale va ou envoie un des Big Four négocier un montage fiscal au service des décisions anticipées. Et le plus souvent, je crois qu'il y a 95% de réponses positives. Et on dit, OK, ben, votre montage fiscal est bon. Et puis après, le contrôleur fiscal ne peut plus contester ce qui a été accordé, comme voilà, le fait d'avoir avalisé le montage fiscal. Un exemple, c'est Total, hein, Total Belgique, hein, qui avait, parce que les bananes, c'est à Jersey, mais le pétrole, c'est aux Bermudes. Moi, je ne savais pas qu'il y avait du pétrole aux Bermudes, mais ou alors c'est les avions qui tombent dans le triangle des Bermudes et le kérosène des avions, mais il se fait que Total Fina Belgique, donc l'ancienne Petrofina, achète son pétrole, des milliards, 7 milliards d'euros par an de pétrole à sa filiale de Total aux Bermudes. Et lorsqu'il y a eu une nouvelle loi et une nouvelle circulaire au niveau du ministère des Finances sur les paradis fiscaux, et comme le Bermude fait partie de la liste des paradis fiscaux, eh bien la présidente de l'époque du service des décisions anticipées qui accorde les rulings, elle a fait changer la circulaire du ministère des Finances pour que la circulaire soit en adéquation avec le ruling qu'elle avait accordé à Total. Donc, vous voyez, on ne fait pas les règles générales, les lois, les circulaires, et puis on les applique. On applique d'abord un privilège, et puis on en fait la circulaire. Voilà, donc ça, c'est le troisième barrage. Puis il y a le quatrième, c'est... Bah, quand il reste encore du bénéfice après les trois premiers barrages, ben on fraude, hein, allègrement. Hein. Une des familles les plus citées dans les paradis fiscaux, dans tous les scandales de paradis fiscaux en Belgique, c'est la famille de Spoelberg, qui est la famille la plus riche de Belgique et qui possède AB InBev. Et alors, cinquième barrage, c'est la DLU ou les DLU, hein, donc les amnisties fiscales, parce que DLU, c'est déclaration libératoire unique. Et on est à la quatrième. Hein, c'est une à la fin, c'est vrai. Donc, DLU, qui effectivement, je rejoins Marie-Hélène sur le fait que c'est un incitant à la fraude. Parce qu'on dit, fraudez, vous aurez toujours la possibilité de régulariser à un moment donné. Voilà, on est à la quatrième. Et la quatrième, par rapport aux précédentes, a la particularité d'être permanente. Désormais, il n'y a plus de limite dans le temps. Avant, on disait, voilà, dans les 6 mois qui viennent, vous devez déclarer vos revenus fraudés. Mais après, c'est fini. Après, c'est fini. Et puis après, la deuxième, on dit, bon, il y a une deuxième, mais après, c'est fini. Hein. Et puis le troisième, mais après, c'est fini. Mais maintenant, on dit clairement, ben, après, c'est pas fini. Vous continuez, c'est permanent. Ça, c'est donc la DLU. Encore une petite parenthèse, si je peux rapidement dire, c'est qu'il y a un franc-tireur de l'inspection spéciale des impôts, directeur, ex-directeur, parce qu'il a mis un peu sur une voie de garage, mais Carol Antonissen, qui a lancé une plainte sur 61 000 dossiers qui représentent, j'ai noté le chiffre parce que 36 milliards d'euros. C'est-à-dire, on avait dit 13 milliards que rapporte l'impôt des sociétés, donc c'est 3 fois le rendement de l'impôt des sociétés. Donc ça, c'est 36 milliards d'euros, c'est les capitaux blanchis des DLU précédentes. C'est-à-dire qu'en fait, on a régularisé pour des pénalités vraiment anecdotiques les revenus fraudés, mais on n'a rien fait payer sur les capitaux qui généraient ces revenus. Donc les capitaux qui étaient dans les paradis fiscaux et qui généraient ces revenus. Et donc, c'est 36 milliards d'euros qui ont été blanchis. Or, il faut savoir qu'en matière fiscale, administrative, il y a la prescription. Mais en matière de justice, il n'y a pas de prescription sur les capitaux blanchis. Et donc, lui, il a introduit 61 000 plaintes au niveau de la justice en disant, ben voilà, vous n'avez pas de prescription, vous avez tout le temps pour, mais pas, malheureusement pas le personnel, pour traiter ces dossiers. Sixième barrage fiscal, c'est la transaction pénale, hein, affaire Chaudieff et compagnie. Ça veut dire que celui qui, après tout ça, est encore malheureusement confronté à la justice, eh ben, il peut racheter son procès, hein, et ne pas subir de procès. Hein, il paye et des montants parfois dérisoires. Les diamantaires en ont aussi profité. Si, malheureusement, après ces 6 barrages, il y a encore un fraudeur, un riche qui arrive au tribunal. Ça, c'est vraiment très rare, hein, parce que les 6 barrages qui précèdent sont efficaces. Eh bien, on sait qu'on a des avocats procéduriers qui sont spécialistes pour faire traîner les procès, mais pour en plus trouver des failles de procédure, comme dans la Cabellux et autres, où on considère qu'il n'y a pas lieu de condamner. Et il y a même un très riche, le patron de... très riche capitaliste, le patron de Beaulieu, hein, donc Roger de Clercq, qui lui, non seulement il n'a pas dû payer, mais en plus il a été indemnisé par l'État parce qu'on a trouvé que le procès avait été un peu trop long pour lui, et donc il a été indemnisé par l'État. Voilà donc un peu une vue imagée, mais malheureusement réelle, de la situation de la fiscalité pour les plus riches dans notre pays. Alors, rapidement, pour répondre à quelques questions techniques, l'impôt... Oui, est-ce que l'investissement est exonéré d'impôt, et donc est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter le taux de l'impôt? La formule est intéressante, mais bon, le problème, c'est qu'il y a un décalage dans le temps. C'est que si on amortit, c'est détaxé, mais c'est détaxé sur plusieurs années. Donc dans le roulement, je ne sais pas si... Voilà, mais je pense que c'est quelque chose de technique où on risque de ne pas être suivi par une partie de la salle. Prix de transfert, j'ai répondu. Et alors, oui, la corbeille des 7,5%. Quelle était la question? De savoir comment ça fonctionne. Comment ça arrive à 7,5%? Eh bien, ils arrivent à 7,5% en disant que, qu'il fallait taxer au moins à 25%, 30%, ça fait 7,5%. Au-delà d'un million. Au-delà d'un million. Au-delà d'un million, on ne taxera que 30%, ce qui sera on ne prendra comme assiette à taxer que ce qui sera au-delà de 1 million à raison de 30%. Vous faites 1 500 000, on prend 500 000, on prend 30% 500 000, et ça, c'est la taxe, c'est la base taxable. Voilà, donc. Si vous ramenez ça au taux normal, ça fait 7,5%. Voilà, donc ils disent au-delà d'un million, les déductions, vous ne pouvez les prendre qu'à 30%. Et donc voilà, par déduction mathématique, ça veut dire que chaque société paierait 7,5% au minimum, ce qui est déjà très peu. Mais ce n'est pas vrai, puisque en fait, on ne prend pas en compte toutes les déductions. C'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, on ne prend que des résidus de déductions. Donc ce 7,5%, ça ne correspond à rien, et je l'ai démontré avec mon exemple du top 50. Et par rapport au 7 barrages, Van der Werffel veut en inventer un 8e, puisque maintenant il veut qu'on ait un accord, que les entreprises puissent négocier un accord sur la façon dont ils vont être contrôlés. Mais je vous propose de faire un dernier tour de réponse avant de clôturer la soirée. En ce qui se dit, ça fait qu'on ne va pas traîner longtemps. Sur le serpent syndical européen, vous avez ici deux syndicalistes qui essayent effectivement à l'intérieur de la CES, Confédération européenne des syndicats, d'essayer de mettre en route une dynamique un peu plus syndicale, au sens où, en général, en Belgique, on le conçoit. La réalité de la CES, c'est que nous avons affaire à un monde syndical qui est extrêmement disparate. Les syndicats roumains, polonais, n'ont strictement rien à voir avec les syndicats belges, ni encore avec les suédois, et certainement pas avec les anglais, encore moins avec les espagnols. Et donc on a une réalité, une constellation de syndicats qui font la confédération, qui fait que, moi j'avoue très sincèrement, j'ai toujours un regard un peu critique, même si j'essaie de faire ma part de travail à l'intérieur, mais j'ai un regard critique parce que je dis que c'est une organisation qui, en fait, se neutralise elle-même parce que par des réalités totalement différentes. Et j'ose le dire et balayer devant ma porte. Hein. C'est compliqué dans une confédération où vous avez, par exemple, des organisations syndicales hongroises qui ont soutenu Orban. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai forcément les mêmes valeurs qu'avec eux. Donc on a une difficulté, c'est qu'il y a une confédération qui travaille sur des minimums, des minima, et donc on a effectivement, au sens de l'action syndicale, comme on la conçoit dans nos pays, une difficulté, il faut l'admettre. Ceci étant, il ne faut pas tout rejeter sur la structure de la CES, le dynamisme syndical, ça peut aussi venir de la part des gens eux-mêmes, et donc en effet, mais ça c'est un travail qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire quand nous sommes dans nos conseils d'entreprise européens, que nos délégations syndicales respectives parlent avec des délégués français, espagnol, italien, qui mettent en place des choses pour essayer de, effectivement, quand on est dans des cas comme Coca-Cola, d'abord rassembler l'information et éventuellement parfois mener des initiatives entre elles. On le fait sans doute pas assez, sans doute pas encore assez fortement, avec pas encore assez suffisamment d'efficacité, mais c'est des choses qu'on fait. Sur le cas d'Audi, en fait, tout ce dont vous avez énuméré, il y a encore d'autres choses, c'est parce qu'il y a eu à un moment donné un chantage. Audi, souvenez-vous, Forêt décide de quitter. VW décide de quitter Forêt, pas Forêt quitter VW. Décide de quitter Forêt. Tout le monde politique essaie de se mettre en branle pour essayer de les retenir. Audi dit, moi, je peux éventuellement, qui est à peu près le même groupe, hein, dit, je peux éventuellement revenir, mais j'exige ça de la part des travailleurs, diminution de salaire, souplesse au niveau des horaires, enfin, un truc absolument fou. Mais en plus, j'exige qu'on m'aide à avoir cette usine qui soit bénéficiaire, avec des comparaisons par rapport aux bénéfices qu'on peut faire dans certains landers en Allemagne, ou aussi les landers, entre nous soit dit, ils ont quand même parfois l'argent. Et donc, à un moment donné, les pouvoirs publics ont essayé de trouver des trésors d'imagination pour essayer de faire retourner de l'argent envers l'usine. Et donc, on a dit, tiens, on va leur donner quelques panneaux photovoltaïques. Ce sera ça, toujours ça le prix. Et puis l'autre a dit, je vais leur donner ça. Et puis le bourgmestre a dit, je vais les exonérer de la truc, avec les conséquences que vous expliquez très bien. Mais là où je veux en venir, c'est que, et vous avez raison, c'est à ça qu'il faut toucher, c'est que tout ça est donné sans condition. Comme d'ailleurs tous les autres cadeaux qu'on fait en Belgique aux entreprises, tout est toujours donné sans condition. Que ce soit les baisses de charges, les baisses de... moi-même j'ai un mauvais vocabulaire. Les baisses de cotisation, les baisses de salaire, etc. C'est toujours sans condition. Si on pouvait au moins dire à Audi, écoutez, ok, on va vous allonger autant. Mais l'emploi c'est autant, il doit rester autant, au moins pendant autant d'années. Je dirais que, ok, on se dirait, on sait au moins avoir notre argent, mais ce n'est pas le cas. On dit demain, on peut de nouveau se remettre à restructurer, on ne va jamais lui dire comment ça se fait que tu as reçu autant, c'est autant. Quatre caterpillars, hein. Donc là, c'est une vieille revendication syndicale, c'est le conditionnement des aides. C'est le minimum qu'on puisse faire, c'est au moins conditionner les aides. Sur la réflexion sur... effectivement, le break-even est passé. Ils ont, en fait, on leur rembourse l'impôt qu'ils payent. Mais le montant n'est pas uniquement constitué par les baisses de cotisations sociales, il est aussi constitué par une partie du précompte non remboursé à l'État. C'est le total qui fait qu'on a le break-even, ce qui est quand même le scandale le plus absolu, puisqu'on dit vous payez de l'impôt, on vous prélève un précompte sur votre salaire, et vous êtes tous, regardez votre fiche de salaire, ça, c'est terrible quand même, parce qu'on m'a encore retenu. Hein. Et alors, quand vous voyez les détails, ils commencent à bien faire à prendre tout cet argent-là. Et puis vous dites, et en plus pour avoir les services publics qu'on a, avec autant d'argent à prélever. Sauf qu'en fait, le précompte qu'on a prélevé et qu'on vous dit être une avance sur votre impôt, n'est pas une avance sur votre impôt, mais de l'argent qui retourne au patron. C'est quand même un vol manifeste, quand même assez honteux. Mais en effet, donc il y a un break-even. Et puis je termine très rapidement. Le pilier des droits sociaux et la question du financement. Je disais tout à l'heure que, à mon avis, trouver une solution, et ça a été un peu confirmé par mon collègue là-bas, trouver une solution de type de financement de la sécurité sociale au niveau européen, c'est sans doute un peu compliqué vu les disparités, mais ça ne veut pas dire, et là vous avez raison, mais ça ne veut pas dire qu'en effet, on ne devrait pas poser la question du financement en même temps qu'on parle de la mise en place. On devrait donc effectivement avoir un discours qui consiste à dire il faut mettre en place un pilier social européen minimum et il faut en garantir le financement. Et on pourrait énumérer la manière de faire ce financement. Et alors après, on laisse les États membres effectivement décider. Je suis assez d'accord avec ça. Marie-Hélène. Juste pour allonger la sauce. Je tousse moins quand je parle. C'est pas normal. Juste pour allonger la sauce là-dessus. Quand on parle du social, deux secondes, sur le fameux pilier des droits sociaux, qu'est-ce que c'est ces 20 principes qui doivent être approuvés par les États, et puis un premier paquet de droits pour tous les travailleurs partout en Europe. Le premier paquet concerne la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, donc c'est crédit temps, congé parental, etc. En Belgique, on est relativement bien placé, donc on pourrait se dire on est presque numéro 1 en Europe. Ce serait quand même chouette, et pour ne rien se cacher, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le gouvernement. C'est de leur dire, est-ce que vous voudriez être numéro 1 une fois? On veut même bien vous aider. Puisque sur le pilier des droits sociaux, si à Göteborg, dans un mois, vous allez annoncer que la Belgique va approuver le pilier des droits sociaux, la seule chose qu'il faut faire, c'est augmenter un tout petit peu l'indemnité, le congé parental, parce que tout le reste existe déjà en Belgique. La réponse a été, vous n'y penserez pas. La honte d'être numéro un sur ces questions. Plus fondamentalement, sur la question et la difficulté entre le social et l'économique ou le fiscal, c'est que aux travailleurs, vous pouvez demander beaucoup de solidarité, de la modération salariale, de faire des efforts dans un secteur à un moment donné ou d'augmenter la flexibilité pour compenser ce que d'autres ne peuvent pas faire. Dans le monde des entreprises, c'est impossible. Et donc quand on diminue les cotisations de sécurité sociale ou l'impôt des sociétés, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas faire de jaloux, et parce qu'un ne peut pas reverser à l'autre. Et donc c'est une difficulté majeure, c'est qu'on est systématiquement dans le fiscal dans du moins 10 ans. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme de redistribution ou de solidarisation à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment une discussion de fond là-dessus. Je prends un autre exemple, on a évoqué les produits. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a qu'en matière fiscale où vous pouvez aller négocier, de dire est-ce que je suis d'accord, oui ou non, de respecter la loi. En matière sociale, essayez. Hein. La loi, c'est la loi, tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi et pas possibilité de discuter. Et donc on est dans le deux poids, deux mesures constant. Je pense que ça, c'est vraiment la base de la discussion. Par rapport à Audi, je ne vais pas ajouter à ce que Robert a dit, mais ça pose quand même une question de nouveau démocratique assez fondamentale, c'est de dire, est-ce que les États aujourd'hui sont en capacité d'être autre chose que simplement les dépendants du jeu de monopole que font les entreprises multinationales pour dire, si ce n'est pas chez vous, c'est chez votre voisin, et nous les premiers, comme consommateurs et comme travailleurs, nous dirons, regardez, on n'a même pas été capable d'attirer une entreprise alors que je ne sais plus laquelle, Toyota est allée s'installer à Valenciennes, il aurait pu venir chez nous, etc. Donc je pense que ça pose aussi la question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, un peu de la prise de conscience des uns et des autres, de se dire on ne peut pas vouloir à la fois acheter meilleur marché, pas être payé convenablement, mais en même temps qu'on vienne quand même s'installer à côté de chez nous, et si possible sans polluer, et puis après pouvoir partir comme on veut. Donc il faut quand même qu'on soit aussi un peu conscient de cela. Je termine sur un élément. On peut dénoncer tout ça. On peut faire, nous, du travail au niveau européen, et chacun d'entre nous peut faire du travail. Il y a aussi des manières de se mobiliser par rapport à tout ça. Très simplement, et sans nécessairement bloquer tout le pays. Je rappelle simplement que mardi prochain, à 14h, à la Bourse, ici à Bruxelles, on n'est pas très loin, il y aura l'action du réseau pour la justice fiscale, qui est un réseau constitué de pas mal d'associations, une action symbolique à la Bourse, pour dire maintenant, ça suffit. À un moment donné, il faut un peu d'équité. On a beaucoup parlé d'Europe aujourd'hui, le 8 novembre, c'est pas dans très longtemps. Nous serons, en tout cas, comme organisation syndicale, en front commun, autour de cette question du pilier des droits sociaux, pour dire maintenant, il est temps. Alors on dit toujours qu'on est négatif, je peux vous dire que notre slogan, il sera positif, c'est-à-dire qu'il faut y aller, et c'est maintenant qu'il faut y aller, si possible, oser un peu être les premiers de la classe. Donc on sera là aussi... Et donc quand je dis « on », c'est tout qui veut, bien évidemment. Le 8 novembre, c'est à Bruxelles, c'est au rond-point Schuman, c'est pas très compliqué. Pour dire aussi, l'Europe, ça nous regarde, c'est nos affaires, et donc ne nous la confisquez pas. Donc je profite quand même de l'occasion pour le dire, parce que débattre, c'est important, se conscientiser, c'est important, mais nous voulons aussi pouvoir être des acteurs de ce qui se fait, et être des acteurs, c'est être, au niveau européen, syndical, c'est pouvoir agir par rapport aux employeurs et dénoncer un certain nombre de choses, mais c'est aussi pouvoir se mobiliser. Je termine sur un petit mot quand même de remerciement aussi à Econosphère d'organiser un débat non orthodoxe entre économistes et non-économistes qui s'autorise à parler d'un sujet qui est quand même un sujet important pour nous, ce qui est la fiscalité. Et donc pour refuser que ce thème de la fiscalité, que ce soit sur l'impôt des sociétés, que ce soit sur l'impôt des personnes physiques, le précompte, la TVA ou autre chose, ne soit confisqué par des soi-disant. Puisque les experts, moi j'ai appris une chose, et j'en ai été une pendant longtemps, donc j'en parle à l'aise. Les experts, c'est ceux qui ont l'air d'aller toujours trouver le petit truc qui ne fonctionne pas, plutôt que d'essayer de trouver ce qui nous permettrait d'avancer. Et donc, ne faisons pas confiance au monde expert, faisons-nous aussi un peu confiance dans notre capacité de penser, de réfléchir, d'agir et de débattre aussi. Merci pour ça, en tout cas. Merci d'avoir organisé ce débat. Quelques mots. En tout cas, sur le lien entre le social et la fiscalité, je pense que c'est un lien inéluctable parce que Effectivement, la fiscalité, c'est quelque chose qui passe au-dessus de la tête de beaucoup de gens. Et je pense qu'en tout cas, il y a quelqu'un pour qui ça ne veut rien dire, la fiscalité. Il y a en tout cas deux discussions, deux débats à avoir. C'est d'abord par rapport à certaines idéologies, démagogie, dirais-je, libérale sur les baisses d'impôts. D'abord, c'est de dire, mais quand le gouvernement vous dit, avec le tax shield, vous allez payer moins d'impôts, il y a quand même toujours une question à se poser quand il y a une baisse d'impôts, c'est quelle est la compensation, hein, parce qu'il y a de l'argent au moins qui rentre dans les caisses de l'État, donc quelle est la compensation? Et la compensation, il n'y a pas 36 possibilités, hein, c'est soit, combiné, soit c'est d'autres taxes qui augmentent, ou alors c'est des services publics en moins, mais il n'y a pas 36 autres possibilités, ou alors il y a le fameux effet retour miraculeux des libéraux, hein, voilà, on réduit l'impôt, mais miraculeusement, ça crée une croissance extraordinaire qui fait que finalement, l'argent en moins, ça fait de l'argent en plus. Bon, ça, on attend toujours la démonstration de ce genre de thèse, mais sinon, il est clair que y a toujours quelqu'un qui paye quand il y a une baisse d'impôt, et donc la question, c'est pas savoir si on baisse l'impôt ou pas, mais savoir à quoi va l'impôt et qui paye l'impôt. Et alors l'autre, et là je fais le lien, l'autre sujet important de la fiscalité, c'est de se dire, mais voilà, par rapport à un gouvernement de droite qui mène une politique antisociale, qui mène une politique d'austérité, quelle est l'alternative qu'on peut y opposer? Parce que le gouvernement dit, ben voilà, les finances publiques imposent qu'on fasse des économies, etc. Donc par rapport à ça, il faut forcément avoir une alternative qui est aussi, de manière importante, budgétaire, donc fiscale. Et donc là, je pense que c'est important de donner aussi des armes à ceux qui se battent contre les politiques d'austérité, des armes, des arguments pour dire, ben voilà, il y a moyen de faire autrement, il y a moyen de taxer les multinationales, il y a moyen de taxer les plus grandes fortunes, les 1% les plus riches qui possèdent 450 milliards d'euros, qui cumulent 450 milliards d'euros dans leur caisse, qui ne sont pas taxés en France, il y a encore, jusqu'ici, pas trop longtemps, mais un ISF qui touche ses patrimoines, les comptes-titres, on n'a pas le temps de... on l'a évoqué, mais... ça peut aussi être intéressant de la soirée, mais c'est un passant en tout cas qui va toucher le grand capital. Voilà, donc ça c'est, en tout cas, je pense que la lutte contre l'austérité implique qu'on discute aussi, même de manière fragmentaire, mais des questions fiscales. Une chose simplement, on a évoqué effectivement le fait que les cadeaux aux entreprises dépassaient l'impôt des sociétés, donc il y a les cotisations, les réductions de cotisations sociales et les dépenses, les dispenses de précompte professionnel, donc c'est effectivement cette partie de votre impôt que le patron garde pour lui au lieu de reverser au fisc. Simplement une anecdote à ce propos, parce que je connais quelqu'un qui travaillait dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il était pour une société qui allait aux entreprises pour leur dire voilà les trucs pour profiter de cette dispense de précompte professionnel. Ça existe notamment en matière de recherche et développement où 80% de l'impôt de vos travailleurs, le patron peut les prendre pour lui et ne verser que 20% au fisc. Et s'il y a d'autres dispenses comme travail de nuit, etc., ben, ça peut être 100% qu'il prend. Les agents du fisc qui sont confrontés à savoir est-ce que c'est véritablement des dépenses de recherche et développement. Parce qu'ils ne sont pas scientifiques, a priori, les agents du fisc. Alors, ils peuvent consulter le BELSPO, hein, l'organisme public chargé de tout ce qui est scientifique. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme force disponible? Il y a une personne pour l'ensemble, ça fait des milliards, au moins un milliard, je pense, comme montant annuel. Il y a une personne qui a étudié l'histoire de l'art qui est là pour répondre aux questions des agents du fisc. Voilà, ça montre un peu le niveau. Et alors, sur les luttes européennes, il y a un vaste chapitre, évidemment. Je pense que inviter un syndicaliste du ministère des Finances de France, c'est déjà une bonne façon de créer cette cohésion et de montrer, par exemple, que les politiques sont exactement les mêmes en matière fiscale et malheureusement dans les autres domaines aussi. Hein, et parfois, quel que soit, parfois avec des formations gouvernementales qui ne sont pas de la même obédience, d'une part. Je pense qu'à Caterpillar, on a par exemple eu... Voilà, j'essaie de trouver des exemples un peu positifs, hein, parce que sinon, c'est vrai que c'est pas facile. Mais je me rappelle qu'à Caterpillar, je m'en réfère nous à la France, les ouvriers des usines françaises de Caterpillar disaient « Ce n'est pas une bonne nouvelle qu'on ferme l'usine de Gosselies, parce que si cette multinationale est capable de fermer celle de Gosselies, ben chez nous, ça risque d'arriver. » Et j'ai l'impression, il me semble avoir entendu qu'il y avait des mauvaises nouvelles en France au niveau du groupe Caterpillar. Et alors je me souviens aussi quand même que les dockers avaient mené au niveau européen une lutte victorieuse contre le démantèlement du statut des dockers, et qu'ils étaient parvenus à contrer une directive européenne. Voilà, je pense que c'est des exemples qui sont malheureusement peut-être pas assez nombreux, mais qui montrent qu'il y a des possibilités de s'organiser, ou en tout cas d'organiser une solidarité au niveau européen, mais c'est effectivement une solidarité qui doit se faire au niveau des travailleurs, des organisations syndicales, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, vu les différences parfois de Robert l'a dit, de contenu et d'orientation de certaines organisations syndicales, mais il y a des exemples sur lesquels on peut s'appuyer pour construire des choses. Merci, ben c'est la France qui conclut. Si ça anticipe une victoire en Coupe du Monde l'année prochaine, après tout, pourquoi pas? Non, j'allais dire. Le diable rouge. Non, là, on se retrouve un peu en concurrence quand même. Je voulais dire, si on prend un peu par rapport au contexte global, un peu de recul, on peut dire la chose suivante, c'est qu'avec la crise et les politiques d'austérité, donc avec les dégâts que ça a provoqué en Grèce, mais avec l'inefficacité que ça a provoqué ailleurs, ça a créé, alors Pierre Moscovici, quand il était ministre chez nous, disait qu'il y a un ras-le-bol fiscal, ce qui est une expression très malheureuse. En réalité, c'est un ras-le-bol des injustices sociales, un ras-le-bol assez global. Mais la fiscalité occupe une bonne part. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté les impôts de certains pour alléger celui des autres, le tout sans efficacité. Bref, et puis il y a eu des affaires de fraude fiscale, d'optimisation fiscale, tout ça c'est vu. Et donc la population est quand même un peu plus consciente de ça. Alors, le chantier paraît immense, mais je note en tout cas dans le débat français une progression de cette conscience-là. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, sur la question de l'ISF, il y a une polémique aussi importante, par exemple. Parce qu'on a bien identifié qu'il y avait des inégalités qui s'accroissaient, qu'il y avait une situation économique atone, qu'il y avait des affaires de fraude fiscale, que bon, voilà, j'allais dire, pour parler évidemment, que le haut du panier était bien servi. Donc je dis ça mais parce que ça rejoindra la question de la conclusion sur ce qu'on peut faire. Et puis le trait commun de tout ça, c'est qu'il ne faut pas se mentir, parce qu'on parle là politique au sens noble du terme, hein, l'organisation de la vie en société et les choix. Au-delà des sensibilités, les choix qu'on peut faire. Et donc, première remarque, donc elle est quand même politique et démocratie. Dans une démocratie, le lien entre l'individu et la société se fait par l'impôt, notamment. Et notamment par le consentement à l'impôt, qui, en tout cas en France, n'a jamais été aussi faible. Je crains que ça ne soit pas qu'en France. Il y a plusieurs choses. Donc, il y a évidemment la structure du système fiscal, on l'a dit. Tout ça est à faire le transfert. En France, on a le crédit impôt compétitivité emploi. On lâche 17 à 18 milliards d'euros par an. Pour créer, pour sauvegarder 100 000 emplois. Ce sont les autorités publiques qui le disent. Vous faites le rapport par emploi, c'est très coûteux. Dans le même temps, on supprime auprès des collectivités locales les contrats aidés, 11 000 euros par an. On aurait pu supprimer le crédit impôt pour les collectivités locales et davantage aider les collectivités locales, parce qu'en plus, il y a des emplois utiles. Tout ça est affaire de répartition des richesses, de redistribution. Et effectivement, il y a le lien entre le fiscal et le social, il est évident. D'ailleurs, le gouvernement français le fait, il supprime le crédit impôt compétitivité emploi pour transformer automatiquement en allègement de cotisations sociales, donc pérenne pour 10 000 coûts du travail, par exemple. Donc les transferts, évidemment, se font. Ce qui rend le débat sur le social au niveau européen compliqué, entre guillemets, sur les différentes histoires, je disais. Mais il faut partir du but à atteindre, c'est la couverture sociale et un financement solidaire de la couverture sociale. Et puis, le social, il prend diverses formes. On peut en discuter aussi du temps de travail, des conditions de travail, de la directive des travailleurs détachés. C'est un minimum, je le disais tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose d'immense. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que le financement solidaire, je vais le faire comme ça, et ensuite, peu importe la structure, a sa place à jouer. Il faut qu'on fixe des objectifs, même lointains. Je dis même lointains parce que tout à l'heure, on parlait de la taxe sur les transactions financières, qui est quand même très mal en point. Mais enfin, il y a 15-20 ans, quand le mouvement ATTAC portait ça, on n'y arrivera jamais. Voilà. ça reste une réalité. Le reporting public, la déclaration des impôts, du chiffre d'affaires, etc., qu'on fait dans la plupart des pays, il y a encore quelques années, ça ne se fera jamais. Aujourd'hui, c'est en discussion au niveau de l'Union européenne. Victor Hugo disait que les utopies d'aujourd'hui sont la réalité de demain. Il faut poursuivre cet objectif-là pour justement corriger ces injustices. Alors, je ne pourrais pas être complet sur tout, mais simplement pour dire qu'il y a dans la population une forme de mécontentement qu'il faut essayer, entre guillemets, de traduire. Voilà, il faudrait le traduire parce que si ça ne se traduit pas, les gouvernements continueront. Et il faut aussi analyser ce qui s'est passé dans différents pays. Quand il y a eu ces affaires de fraude fiscale, les gouvernements ont pris vite des mesures, parce qu'ils savaient très bien que c'était quelque chose de très dangereux politiquement au sens global du terme. Et puis on sait qui ça favorise cette affaire-là aussi, malheureusement. Donc il y a des exemples, où je ne dis pas que les gouvernements ont forcément bien fait, je fais plutôt partie de ceux qui les ont critiqués, notamment en France. Il y a des exemples, entre guillemets, de réaction. Alors parfois c'est la communication politique, parfois il y a des mesures qui sont vraiment très modestes. Mais quand on entend l'OCDE, le FMI qui dit les inégalités sont trop importantes, ça plombe y compris l'activité économique et la cohésion sociale. Les petits transferts, ça déstabilise le jeu économique. On a maintenant des organismes qui font autorité, ceux qui sont là, on les prend, qui tiennent un discours qui ne tenait pas il y a 5 ans, mais que nous, on tenait déjà. Voilà. Donc, pourquoi pas demain au moins une coopération renforcée au niveau des organisations syndicales pour un mouvement sur la justice sociale et sociale. Ça plus. Merci, je remercie vraiment les quatre intervenants. Merci à Vincent d'être venu de France. Merci.